Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Alors, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison. Ça y est, on est au bout de cette saison 3, on la termine magnifiquement bien. Et surtout, on peut vous le dire, ça y est, c'est officiel, le programme de la saison 4 a été établi par nos soins. Lors d'une longue réunion, de longues discussions pour choisir tous les jeux qui ponctueront vos vies voilà, dans vos oreilles avec nous. Voilà, on est content, beau programme. Ouais, on est allé jusqu'en mars quand même. Hein. On est allé très loin. En fait, on avait voulu vraiment prévoir pour se dire on va pouvoir anticiper quels jeux on va devoir faire, lesquels jeux on va devoir télécharger. Au cas où il y a un mec qui veuille mettre des jeux japonais qui durent 30 heures là-dedans. Voilà, on sait déjà, pas, mais déjà faut surveiller ça. Je me désolidarise de ces propos. Mais déjà, il fallait surveiller ça. Et puis bon, il y a peut-être quelqu'un qui va disparaître entre mi-décembre et début février. Qu'est-ce que c'est le bouc émissaire de cet épisode? Non mais il faut savoir que c'est trop rigolo parce qu'une des premières réactions quand il y a eu le trailer d'Elden Ring, c'était Hugo sur Twitter qui disait on a perdu Benoît au mois de janvier. ce qui fondamentalement est pas faux, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Quand il y avait eu Sekiro et compagnie, on avait pu tenir. Oui, et j'avais tout pareil. Et voilà. Quand Demon's Souls il est ressorti, j'étais là. Mais, mais au cas où, pour les coulisses FDG, on se dit comme il risque d'être occupé, il faut quand même qu'il y ait des jeux. Il faut pas mettre un jeu de 40 heures qu'il a pas fait. On a été sympa, on a été gentil. Vous pouvez évidemment nous soutenir sur notre Patreon pour qu'on puisse continuer à faire l'émission, tout simplement. Mais deux fois par mois, c'est le programme. Voilà, on garde la solidité, on reste focus. Sachant qu'on a préparé la saison 4, mais il y aura du coup les épisodes de la blacklist et on n'a pas encore tout décidé au niveau des dates, mais on fera sûrement un nouveau vote, une nouvelle blacklist pour que vous puissiez décider. Oui, il faut encore qu'on se décide là-dessus. On se laisse encore un petit peu le temps, déjà le temps de commencer à faire celle que vous avez décidée. On a le temps de voir tout ça venir. On peut remercier également Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que, puisqu'il y a deux livres qui sont sortis là récemment. Le premier, c'est Plongé dans le réseau Ghost in the Shell de Rémi Lopez. Donc voilà, un livre sur le manga Ghost in the Shell. Et c'est lui qui avait déjà écrit celui sur Akira. Ouais, que je vous avais conseillé dans l'épisode Mutazione, je crois, de mémoire. Ouh là là, t'as une fiche Excel, t'es encore sur. Tout à fait. Bon, t'avais beaucoup aimé le livre sur Akira, donc a priori, chaud aussi pour celui sur Ghost in the Shell. Et puis, il y a un deuxième bouquin qui sort, alors cette fois c'est du jeu vidéo, c'est la légende Final Fantasy XIII. C'est une légende Final Fantasy XIII. Alors moi j'aime beaucoup. Non mais je fais partie de ces gens qui trouvent Final Fantasy XIII. Ouais, pour moi c'est en fait c'est parce qu'ils ont toujours appelé les bouquins Final Fantasy la légende de Final Fantasy et du coup l'épisode 13 c'est vrai que c'est un épisode un peu particulier, donc moi je suis assez curieux en fait de lire ce bouquin là. C'est plusieurs épisodes donc, l'auteur c'est Jérémy Kermarek donc, et comme on le disait donc il y a plusieurs épisodes de Final Fantasy XIII. C'est ça, il y a 3 épisodes, 13 2 et 13 3. C'est pratique. Aerith Return. Pas Aerith Return, qu'est-ce que je dis? Lightning Return. Aerith Return. Oh là là! Oh là là! Spoil de FF7. Tu te rends compte de ce que t'es en train de créer là dans le cosmos, Benoît? Je pense que tu ne mesures pas. Jérémy qui avait déjà écrit le livre sur Final Fantasy XV. Hein, la légende, j'imagine. Final Fantasy XV. Les 4 Gugus dans leur bagnole, c'est ça. Hein, c'est celui-là. Voilà, 15-2, 15-3. Il y a eu un DLC ou une connerie comme ça. C'est compliqué. Le 15, on va dire, tu sais, c'est comme les trucs de c'est compliqué. Très bien, on a tout dit, on a terminé cette intro. Aujourd'hui, le dernier épisode, c'est sur Hades. Hades, on peut le dire, on a le droit de le dire. Mm-hmm. Vous pouvez le prononcer à la grecque si vous le souhaitez, je ne sais pas faire mon tout. un des gros jeux de 2020. J'en avais marre à un moment qu'on en parle. Là, je me dis, un an après, ça y est. C'est bien de reparler de Hades. Je pense que c'est bien de faire le bilan calmement. Et c'est ce que nous allons faire après le générique que tu nous as choisi. Oui, de toute façon, il n'y a pas 30 millions de chansons. Il y a beaucoup de musique dans Hades, puisque Supergiant, on le redira, ils ont quand même un petit truc avec la musique. Mais là, évidemment, tout le monde sait quelle musique ça va être, donc je ne dis rien et je vous laisse écouter. We'll be right back. Alors, Hades, c'est sorti d'abord en Early Access le 6 décembre 2018, et puis c'est sorti bien après, le 17 septembre 2020. Alors, c'est sorti sur PC, c'est sorti aussi sur Switch, quand il y avait la version finale, et puis je crois que ça va arriver là très prochainement sur... Alors, normalement, au moment où vous écoutez, ça vient de sortir sur Xbox et sur PlayStation, puisque du coup, ça sort, je crois, le... On est vraiment trop fort, mais oui, à chaque fois, je m'impressionne de notre capacité. C'est évidemment développé et édité par Supergiant Games, un studio indépendant dont on avait déjà parlé dans cette émission, et ça, eh bien, il faut le noter. Alors, Maxime a dit que c'était les Naughty Dog de fin du game, parce que c'est, ouais, c'est la deuxième fois qu'on parle du même studio. Ouais. Exactement, il n'y a que Naughty Dog qui a eu droit à cet honneur. Ah non, il y a eu From Software, évidemment. Bon, ça, c'est... Non, mais ça, c'est la famille. Ça, c'est la famille, c'est normal. Donc, on avait déjà parlé de Transistor, qui était le deuxième jeu de Supergiant Games, après Bastion. On vous renvoie, voilà, à cet épisode-là, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la formation du studio, comment elle a été fondée, par qui, etc. On ne va pas refaire tout cet historique-là. On va plutôt démarrer juste après Transistor, qui s'est bien vendu sur le long terme et qui leur a permis de faire un jeu qui s'appelle Pyre, qui est sorti en 2017 et qui, lui, n'a pas été un succès formidable. Alors, déjà, c'était une première un petit peu pour le studio parce qu'ils s'éloignaient de la typologie de jeu qu'ils avaient fait avec Bastion et Transistor, qui était un peu du... Bon, c'est de l'action RPG un peu modernisé. Sauce Diablo. Sauce Diablo, toujours. On peut le dire. De toute façon... Qu'est-ce qui n'est pas Sauce Diablo, qu'est-ce c'est qui ça n'est pas qu'on Sauce dire. Diablo. Le livre de Benoît est disponible. Et donc, Payeur, effectivement, c'était plus Sauce FIFA. Voilà. Sauce FIFA. Sauce FUT. Enfin, le FUT, bon, c'est particulier, il faut y jouer, mais voilà, il faut amener un ballon. Bah, un petit jeu de sport, voilà, du 3, je crois que c'est du 3 contre 3 de mémoire. Moi, j'ai pas trop aimé personnellement, voilà, je suis pas fan de FUT ou de jeux de sport en général, mais oui, c'était un vrai pas de côté. Il y avait d'un côté beaucoup plus de narration, d'histoire, de dialogue que tu pouvais avoir, beaucoup plus de perso que tu pouvais avoir par rapport à Bastion ou à Transistor. Et entre les deux, voilà, il y avait ce jeu de sport, c'est un mix assez spécial, et comme tu l'as dit, il a vachement moins bien marché, en tout cas rien qu'en termes de review Steam, il en a à peu près 3 fois moins que Bastion ou Transistor. Oui, on avait regardé, c'était 25 000 je crois à peu près pour les deux premiers jeux, et là on était qu'à 6 000 comme ça. Si on vous parle de ça, c'est parce qu'en fait on considère dans l'industrie que comme on peut pas toujours avoir les chiffres de vente, même si maintenant les éditeurs et les développeurs peuvent le dire parce que dans les conditions Steam c'est autorisé, en gros ce qu'on fait en général c'est qu'on prend le nombre de review Steam, on va le multiplier par un chiffre qui peut aller de 25 à 40 pour se donner globalement pour une vous estimation. Donner la science exacte. Non, mais c'est ça. Tu multiplies par 25 et par pi. Et voilà. Et après c'est bon, t'as le truc. Voilà, ensuite tu mouilles ton doigt, bah, la fenêtre. Déjà, et ça, voilà, entre 25 et 40, t'as une fourchette assez grande, mais bon, C'est ça. C'est que ça donne une estimation relativement claire. Donc pour vous donner une idée, c'est ça. Bastion et Transistor, c'est 25 000 reviews Steam, 6 000 pour Payeur, et Hades, on le redira, c'est un peu plus de 130 000. Donc voilà, succès. Mais donc voilà, Payeur qui n'avait pas forcément fonctionné. Après la sortie de Payeur, il va y avoir quelques mois de flottement. Supergiant Games, ils vont se demander un petit peu ce qu'ils vont faire par la suite, c'est normal, et ils vont embrayer du coup sur la création d'Hades. Ce qui est assez intéressant, c'est que on pourrait croire que ils se sont dit ok, on va partir sur un roguelite, on va revenir un petit peu à nos premiers amours avec l'action RPG, mais en fait pas du tout. En fait, ce qui les a vraiment motivés à faire ce jeu en premier lieu, c'est de vouloir faire une early access. Et tu sens que ça découle en fait de leur expérience Pyre, parce que sans trop en dire, l'expérience Pyre en fait elle existe vraiment vers la fin du jeu, au bout du jeu, et c'est pas quelque chose qu'ils pouvaient prototyper. Il faut vraiment avoir vécu avec des persos, il faut avoir vécu voilà le début, le milieu et la fin pour mieux pour vivre cette expérience qu'ils voulaient transmettre. Voilà, ce qui fait le sel un peu de l'expérience, c'est la fin, du coup, c'est un petit peu ce moment-là, l'émotion qui va naître de ce truc-là. Certes, il y a quand même tout un jeu, tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai lâché, parce que le jeu de sport, il m'intéressait pas, mais voilà, il y a un vrai truc, il y a un vrai propos que Payeur développe, mais qui se révèle qu'à la fin, et donc, Greg Kazavin le disait, c'est plutôt celui, il s'occupe du design, mais surtout de la narration, de l'écriture concrète, et il disait que oui, il y avait besoin de tout faire, c'est pas quelque chose, comme dit, que tu peux prototyper, c'est pas quelque chose, voilà, au bout d'un mois, tu vas pouvoir comprendre, vraiment percevoir ce que ça va être. Et du coup, d'un côté, il y a déjà beaucoup d'incertitudes dans le jeu vidéo. Tu ne sauras jamais ce que le grand public pensera de ton jeu avant qu'il sorte. Tu peux avoir des playtests, évidemment, des reviews, de presse, machin, enfin de... Comment ça s'appelle ça déjà, enfin, c'est les ghost reviews, on voilà, appelle les ça, ou les mock reviews, ça dépend des trucs, mais ouais, c'est ça. En fait, on teste les jeux, on envoie le document aux développeurs et c'est jamais publié, c'est juste pour qu'eux, ils aient une espèce de... d'idée de ce que ça va donner une fois que ça sortira vraiment dans la presse. Ils ont une note du jeu en l'état et ils peuvent ensuite bosser dessus. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a eu Payer et bon, alors qui n'a pas très bien marché, je sais pas à quel point ça a pesé dans la balance, mais tu sens qu'il y a eu le bon, maintenant on fait une early access, comme ça on aura très tôt des retours, on va pouvoir patcher très rapidement le jeu. Et c'est vrai que c'est assez, je sais pas à quel point c'est rare, mais en tout cas qu'ils se disent oui, nous on s'est pas dit on va faire un roguelike, on s'est dit on veut faire une early access, quoi. Mais c'est pas si bête en fait, parce que c'est vrai que de réfléchir au modèle économique quasiment avant de créer le jeu, ça leur a permis en fait d'avoir vraiment une ligne directrice qu'on va retrouver tout au long du développement et de la production de Hades. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'ils ont décidé de partir sur cette idée de roguelike, on sent qu'il y a eu quand même une espèce d'autoroute, hein. Greg Kasavin le dit souvent, à partir de fin 2017 jusqu'à fin 2018 et début 2019, ils ont cligné des yeux et boum, il y avait les protos d'Hades, il y avait tout qui était sorti. Ils ont eu une première année de développement qui a été très très chargée pour préparer à l'arrivée du jeu, donc en Early Access, qui est sorti le même jour que l'Epic Game Store. Voilà, c'était la petite info. Ouais, juste peut-être préciser aussi, revenir, c'est vrai que les roguelites à ce moment-là, il y a quand même des grands champions, hein, qui sont arrivés depuis. On a dans l'action, bah, c'est Dead Cells, hein, vraiment la leçon de, j'ai plus le nom du studio. Motion Twin. Motion Twin, voilà. Et puis, bah, il y a Slay the Spire aussi qui a été, voilà, c'est les deux grosses source d'inspiration, j'imagine, en tout cas pas forcément inspiration, mais plutôt référence dans les pratiques, dans la construction, dans la production sachant des que jeux. C'est un genre de jeu qui est vraiment réservé aux jeux indés à ce moment-là, encore une fois, c'est, même encore aujourd'hui, je veux dire, à part Returnal, il n'y a quasiment pas de jeu gros budget qui fait ça, et surtout c'est un genre qui est ultra chargé, parce que depuis Isaac, Faster Than Light, etc., des roguelikes, il y en a tout le temps, tous les jours qui sortent. Et d'ailleurs, Dead Cells et Slay the Spire qui ont fait aussi une Early Access. Donc il y a eu un vrai déroulé, ils se sont dit, bon, on fait quoi ? On fait une Early Access. Et après ça, il l'avait dit aussi, c'était, bon, qu'est-ce qui marche le mieux quand même pour un jeu en Early Access ? C'est quand même un jeu rejouable. Mm-hmm. Alors après, il y a des contre-exemples, hein. On avait pu parler de Subnautica, par exemple, qui a eu une Early Access qui a très bien marché, c'est pas un jeu qui est hyper rejouable, en tout cas pas par rapport à un roguelike. Mais bref, ils se sont dit, qu'est-ce qui marche le mieux ? Un jeu rejouable, ok, il y a quoi ? Bah les roguelikes, nous on kiffe les roguelikes, du coup on va faire un roguelike, Slay the Spire, Dead Cells, il y a des bonnes pratiques, c'est bon, c'est comme tu dis, c'est une autoroute qui se dévoile devant eux, quoi. Et donc tu le disais, Benoît, on revient là-dessus sur la sortie du jeu qui va sortir en même temps que le lancement de l'Epic Game Store. Alors on a vraiment vérifié, hein, c'est au jour près, hein, c'est vraiment sorti le même jour que le lancement du nouveau store d'Epic. Qui faisait un peu polémique en plus à alors, l'époque. Pas à ce moment-là, parce que ça a commencé. C'est un peu plus tard, ouais, il aura fallu du coup attendre l'histoire avec Metro Exodus, mais en fait, donc, le jour des The Games Awards en 2018, donc il y a l'annonce d'Epic qui dit on lance notre store, voici le truc, ils nous ont commencé quand même à faire un gros pavé dans la mare avec le coup du 88-12, hein, le ratio entre ce qu'ils prennent et ce que les développeurs prennent. Versus Steam, et le soir même, pendant la cérémonie des Game Awards, il y a l'annonce avec un trailer de Hades, sachant que The Game Awards, bah, c'est l'événement jeu vidéo qui est le plus vu au monde maintenant, donc forcément ça a fait un énorme coup de projo, et du coup Hades, voilà, a accompagné le lancement de l'Epic Game Store. Et là, en termes de visibilité, c'est top, tout seul sur le store, donc c'est voilà, ça, c'est ça, vraiment on peut le dire, tous les gens par exemple qui ont connu la vague vraiment du début de la Switch, quand t'es un store où il n'y a pas beaucoup de jeux et que tu es mis en avant instantanément, bah forcément ça cartonne, quoi. T'étais vraiment au début de la vague, et là, bah, c'était un des tout premiers jeux qu'on pouvait acheter sur l'Epic Game Store. Donc on imagine que voilà, Hades, Supergiant Games, c'est un des premiers acteurs qui a dû rentrer en discussion avec Epic pour pouvoir obtenir cette exclusivité. On imagine que Epic a aussi financé, évidemment, on connaît aujourd'hui, on sait que c'est le chèque, bien le chèque d'Epic. Bien le chèque d'Epic, c'est ça, oui. Pour financer, donc ça, encore une fois, ça a été, je pense... un moyen de consolider, d'être assez assuré que ça allait bien se passer. Non seulement ils allaient rentrer de l'argent avec l'Early Access quand le jeu allait sortir, mais en plus, ils ont dû avoir un financement upfront de la part d'Epic. Et en plus, côté com, là où ils ont bien géré, c'est qu'il y a eu les docus, ensuite Noclip. Il a fait en tout 6 vidéos sur tout le développement d'Hades, je crois, jusqu'à la 1.0, du coup. Même après, hein. Il y a le post-launch. Le dernier documentaire, il est en mai, je crois, juin 2020. Un truc comme ça. Donc il y avait 6 mois qui étaient passés. Enfin, les dernières questions, c'est qu'est-ce que vous faites après ? Donc toute la phase d'Early Access et ensuite une vidéo de post-launch. Ils en ont profité aussi parce qu'il y avait les 10 ans de Supergiant de faire un docu sur Bastion, sur Transistor, qui nous avait d'ailleurs servi quand on a fait l'épisode Transistor, et un docu aussi sur Payer, du coup. Mm-hmm. Donc il y a eu toute cette opération qui, sur 1 ou 2 ans, s'est déroulée avec quand même des vidéos qui peuvent taper du 500 000 vues, quoi. Et là, il faut bien se dire dire que c'est pas du tout du hasard. C'est-à-dire que, pour vous donner une espèce de chronologie, les premières discussions avec Epic, on peut imaginer que ça a commencé peut-être 6 ou 7 mois avant l'arrivée. Mmh. Donc, ils étaient dans la confidence de l'arrivée de l'Epic Game Store très, très tôt. Et surtout, les histoires de nos clips, en fait, une partie même des images qui sont utilisées par nos clips étaient filmées par le studio eux-mêmes. Mmh. En gros, ils ont prévenu Danny O'Dwyer de nos clips très très tôt. En fait, ça fait partie de leur plan de communication. Vraiment, quand on parle de marketing dans le jeu vidéo, c'est pas juste faire un trailer et être mis en avant sur Steam, c'est vraiment réfléchir quelle plateforme, comment, qui on va cibler, etc. Et du coup, là-dessus, Supergiant, ils ont vraiment donné une grosse leçon. Et en fait, c'est un truc qu'ils avaient fait dès Bastion. Il y avait déjà un petit making-of de Bastion où ils embarquaient une caméra avec eux sur les events, machin, et ils avaient fait une petite tournée puisque Greg Kasavin, donc un des... Alors, c'est pas un cofondateur du studio, mais une des personnes qui était là dès le... quasiment dès le début. Il a rejoint très vite le studio et a gagné de l'importance après. Voilà. Ouais. C'était l'ancien éditeur en chef de GameSpot. Donc c'est rédacteur en chef en français. Pardon, éditeur en chef. Et du coup, il connaît très bien la presse, ce que la presse veut, etc. Et du coup, j'imagine que l'idée, elle est venue en partie de lui pour faire le making of Bastion, parce qu'après, tu pouvais les voir sur... Il y avait un plateau de Giant Bomb, je crois, où il parlait du coup de Bastion, du making of et tout. Donc c'est quelque chose, c'est une expérience qui est restée. Ouais. Ça, c'est assez important en fait de le noter, parce que bon, d'une, déjà, GameSpot, c'est le plus gros site de jeux vidéo au monde. Déjà, c'est l'équivalent de JVC, mais version monde. Genre IGN, c'est plus petit IGN? Non, GameSpot, c'est les plus gros. Ah ouais, c'est vraiment les plus gros. Il me semble que c'est eux. Alors, de mémoire, ça, je trouve, je me trompe. Je vous laisse fact-checker ça sur le Discord. Ce qui est important, en fait, de noter, c'est simplement que un des objectifs et un des enjeux pour les studios indés pour apparaître sur les sites de presse, c'est de donner quelque chose d'intéressant, de newsworthy, comme on dit. Et donc, en fait, quand tu donnes accès à quelque chose que les gros studios ne font pas, c'est-à-dire les développements, les coulisses de la production, c'est ce qui va donner, en fait, envie aux journalistes de se dire bah oui tiens on va en parler vu qu'ils nous laissent avoir des interviews, des trucs comme ça, parce que bon, enchaîner des trailers et des machins, on en bouffe à longueur de journée quand t'es dans une rédaction, mais quand t'as un petit studio indé qui te dit bah venez nous suivre, on vous montre l'envers du décor machin, ça donne envie de le faire, et du coup spontanément le journaliste va mettre en avant ce jeu là et on le sait, ça a quand même énormément de poids, même si aujourd'hui la presse spécialisée n'a plus le poids qu'elle avait il y a 20 ans, ça reste très important surtout pour les devs indés. Et c'est tout con parce que comme tu dis, même pour la presse il y a une vraie valeur ajoutée, puisque dès qu'il faut interviewer quelqu'un d'un triple A ou quoi, il faut qu'elle demande à l'éditeur si elle a la permission. Enfin, t'as beaucoup plus de barrières, bullshit et compagnie. N'importe quelle interview que tu fais avec des développeurs de triple A, c'est aux F. Surtout si c'est en période de lancement du jeu, là oui, c'est verrouillé de fou. Après, si c'est pour parler un peu game design ou quoi, mais c'est un peu plus libre. Mais il faut quand même souvent que la personne demande la permission. Donc, tu te souviens, on avait fait une interview avec Sacha Duval qui était donc une narrative designer chez Arkane, et c'était, on n'allait pas du tout parler des jeux qui arrivaient et tout, mais voilà, il a fallu que Bethesda demander à ZeniMax à l'époque. Donc vraiment c'est extrêmement contrôlé, et là à l'inverse, Supergiant c'est un studio indépendant, donc ils ont leur propre maîtrise de l'image, c'est directement eux qui vont pouvoir donner les bonnes infos et tout. En plus, ça crée un storytelling qui est sympa à suivre forcément, parce que tu suis l'aventure de ce studio qui est quand même déjà connu, qui a déjà sa fanbase, qui a déjà ses trucs, c'est leur 10 ans. Donc voilà, il y a déjà une identité qui est déjà posée, une histoire qui est déjà là, que les gens connaissent. Mais là, en plus, on va pouvoir les suivre sur l'aventure, sur ce nouveau jeu. Et voilà. Ça a été très, très bien maîtrisé là-dessus. Ça fait écho aussi à ce qu'on avait dit, tu sais, sur Hellblade à l'époque, où c'est pareil, le studio avait anticipé le côté beaucoup de communication. C'est vrai que pour les indépendants, on s'en rend compte. C'est vraiment une règle, on va dire, qu'on pourrait donner aujourd'hui. Voilà, parler de votre développement, les open développements, les choses comme ça, c'est des choses qui fonctionnent bien, qui permettent de créer l'attente et de créer surtout... De la visibilité, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, surtout quand tu fais un roguelike. Enfin, je veux dire, demain je vais faire un roguelike ou tiens un Metroidvania, tu te dis il faut trouver un moyen de se différencier, et ça, c'est une bonne pratique. Deuxième vraie leçon qu'ils ont bien digérée de Dead Cells et de Slay the Spire, c'est sur toutes les updates, comment ils ont vraiment alimenté le roguelite au fur et à mesure de l'early access. Donc c'est typique, c'est les updates, il y a une grosse update tous les 40-70 jours, on va dire, c'était à peu près ce rythme-là, avec un artwork dédié, un nom qui était dédié, c'était la Chaos Update, la Dionysos Update, Hydromel Update, ce que vous voulez, avec tout le contenu qui était lié. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, chaque semaine, il y avait des patchs, il y avait des augmentations. Mais du coup, encore une fois, ça fait partie du plan de communication de continuer à mettre en avant le jeu, les nouveautés. En fait, à chaque update, tu vas pouvoir régénérer du buzz parce que, encore une fois, c'est newsworthy, comme tu le disais. Ouais. Et du coup, ça permet aux journalistes de dire, voilà, il y a ça qui est sorti, etc. Et ce qui fait que le jeu a vachement bien fonctionné dès l'Early Access. Petite info aussi intéressante, c'est qu'il se trimbalait le moteur de Bastion depuis le début, donc qui commençait à avoir 10 ans. Pour la petite histoire, c'était un moteur qu'en fait que Microsoft fournissait aux développeurs indépendants à l'époque du Xbox Live Arcade pour que les gens puissent développer directement pour que ça sorte. Et ils avaient utilisé ce moteur-là, ils se le trimbalaient toujours. Et là, du coup, ils ont envisagé vraiment une grosse refonte sur le moteur du jeu, à la fois pour que Hades puisse tourner le mieux possible et également profiter des technologies, les petits effets, les petits shaders, bref, qu'ils puissent travailler correctement. Et puis pour leur prochain jeu, donc c'était quand même une grosse refonte qu'ils ont fait là en plein cœur de leur Ça leur permettait de préparer les portages aussi parce qu'ils savaient qu'ils allaient arriver sur Switch à un moment donné. Exactement, c'était très important. Ouais. Donc ça c'est c'est des petits trucs qui sont assez difficiles parce que nous de notre côté en tant que joueurs joueuses, on le voit pas du tout, mais pour eux ça devait être une grosse source de stress parce que il fallait créer du nouveau contenu et en même temps ils étaient en train de refondre leur moteur. Bon, au final ça s'est bien passé, il y a pas eu de couilles dans le montage pendant l'Early Access. Et sachant que ce qui est cool, c'est que eux ils ont pas du tout eu cet effet bad buzz de l'Epic Game Store contrairement à d'autres, parce que ils ont énormément préparé l'annonce en amont de Steam. D'ailleurs, un des documentaires Noclip, le quatrième si je dis pas de bêtises, qui est uniquement centré sur l'arrivée sur Steam, parce que pour eux c'était un truc super important, et ça montre à quel point ils ont une certaine expérience et une certaine lucidité de l'état du marché dans lequel ils sont. Donc, gros carton, on l'a dit, 700 000 ventes en Early Access avant que la V1 soit sortie. Sur Steam, il y avait toujours eu des très très très bonnes critiques, ils ont toujours été au-dessus des 98%. Et donc, ça sort en V1 le 17 septembre 2020, ça je l'ai dit, ça sort aussi sur Switch en même temps. Sur Steam, il y avait la grosse bannière et tout, enfin, ils avaient Takeover Steam, tu sais, on peut avoir la couverture Steam, et ça, c'est pas tous les jeux qui arrivent à avoir ça. Hein, pour le jour de la sortie, c'est 300 000 ventes, c'est ça? Voilà. C'est énorme. Ils ont fait quasiment la moitié de ce qu'ils avaient fait, sachant que Greg Kasavin toujours lui l'explique, c'est-à-dire que Epic pour eux, je pense que ça a été vraiment un truc win-win, c'est-à-dire que d'un coup ils ont eu une grosse injection de blé, mais en fait ils savaient que le gros, on va dire, c'était la mer et il y avait l'océan Steam juste derrière, parce que évidemment au tout début on pouvait pas deviner le succès de l'Epic Game Store, on savait pas à quel point ça allait marcher, donc ils savaient qu'en fait c'était pour eux une espèce de petit bain et que après c'était une fois qu'ils arriveraient sur Steam, c'est là où il y avait tous les gens qui les attendaient, qui étaient fans de leurs anciens jeux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils en parlaient comme étant vraiment un moment stressant. Et quand ils arrivent, en plus Steam, on sent qu'ils ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils se sont dit on va pouvoir mettre en avant un des jeux de notre concurrent, parce que forcément ils doivent l'avoir mauvaise à un moment donné. Et donc c'est vrai que t'avais du Hades partout pendant quelques temps, quoi. Oui, et puis le buzz était déjà tellement construit, avant que le jeu sorte, c'était déjà du GOTY material, comme on dit dans le jargon, tu vois. Le jeu était déjà très très apprécié. On savait que ça allait bien marcher. Il y avait des gens, en fait, il y avait des sites qui avaient déjà testé le jeu, qui avaient déjà donné les 8 et demi, les 9, les trucs comme ça. C'était déjà ça, plus que 8, parce que le jeu il est à 93 sur Metacritic. Oui, mais c'est justement, en fait, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est qu'en early access il y avait déjà eu quelques tests, et en fait ils étaient contents aussi que ça sorte sur Switch, parce que la sortie sur Switch était un bon prétexte pour plein de sites de refaire un test, de tester sur Switch comment ça marche. Et là c'était les 9, les 9 et demi, les 10, ça a été, surtout qu'en plus la version Switch elle est ultra propre d'un point de vue technique. Les portages Switch, c'est toujours un peu des fois la roulette russe. Là, pas de problème, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche très très bien, et ça s'est ressenti forcément sur les sites, quoi. Et puis après c'est les nominations Game of the Year. Alors ils ont gagné plusieurs Game of the Year chez différents sites, les Polygon je crois, les gros trucs comme ça aux US. Et puis encore une fois la nomination au Game Awards de notre cher Geoff Keighley. Ils ont été nominés 7 fois, donc 7 nominations. Je crois qu'ils ont eu 2 prix, donc Best Action Game et Best Independent Game, je crois que c'est ça. Et ils ont perdu malheureusement, ils n'ont pas eu le Game of the Year. Ils étaient nominés à un Game of the Year face à un certain The Last of Us 2. Mais c'est vrai que ces deux jeux là c'était un peu les deux jeux de l'année, parce qu'on rappelle c'était aussi année pandémie. Oui c'est vrai qu'on en a même pas parlé, mais souvenez-vous 2020. ouais. Mais c'est vrai que quand il sort, on est encore en lockdown à plein d'endroits monde, une partie du développement de comment s'appelle, de Hades, s'est fait du coup de cette manière là alors on le redira, eux ils avaient déjà anticipé le truc, donc ils avaient déjà un petit peu adapté leur manière de travailler, ils avaient déjà du télétravail, un peu de télétravail, donc ça les a pas trop choqué, mais bon, ils ont dû quand même gérer avec ça. Et ouais, en 2020, c'est ça, il y a The Last of Us 2, il y a Animal Crossing, il y a Hades, enfin voilà. Tu vois, t'as le triplet de tête, quoi. Ouais, c'était vraiment les trois jeux qu'on fait, hein, même s'il faut quand même rappeler qu'Animal Crossing, en termes de vente, on est un tout petit peu au-dessus des deux autres. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aucun d'entre nous n'y a joué. oui, voilà, c'est effectivement, ça fait partie des jeux qui passent un peu à la trappe dans Fun du Game, mais c'est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc voilà, les Game of the Year, gros succès, et puis... Surtout, j'ai eu l'impression que c'était un buzz qui s'est vraiment étalé. Hades, qui a continué à faire parler de lui. Et là, alors, on n'a pas, évidemment, comme d'habitude, on n'a jamais vraiment les bons chiffres de vente, mais on est sur plusieurs millions sans problème. Ouais, c'est ça. C'est toujours avec cette histoire d'estimation au doigt mouillé, on va dire qu'en étant un peu conservateur par rapport à Steam, tu vois, même si on prend le nombre de reviews, qu'on le multiplie que par 25 ou 30, on est déjà à 4-5 millions. Si on le multiplie par 30-40, on est à vraiment beaucoup plus. Et puis après, si on rajoute la Switch, on rajoute les Big Game Store... Va y avoir, depuis quelques jours pour vous, il y a la version PlayStation et Xbox, il sort sur le Xbox Game Pass, donc c'est pareil, encore un petit chèque de Xbox. Enfin, bon, je serais pas surpris qu'à un moment donné il soit offert sur le PlayStation Plus. Enfin, on sent que voilà, Hades, ça a vraiment été un raz-de-marée, et du coup, pendant très longtemps, on a parlé d'eux, et encore aujourd'hui, on continue un peu d'en entendre parler. Grâce à nous, tout simplement. On va passer à l'histoire maintenant, et c'est notre expert mythologie, prof de latin, de grec, mais aussi de français, évidemment. Qui mais pas que mais pas que. Au collège Marcel Pagnol. L'histoire de Zagreus. Alors, ouvrez vos livres à la page 37. Oh monsieur, j'ai oublié, Maxime a pris mon effort. Oh, c'est l'été. On a le droit. Vous avez l'habitude. Ils sont dissipés. Effectivement. Donc, bref, ça nous parle. On avait dit qu'on regardait une cassette. On regarderait trois. On regarde trois, monsieur. Non, on joue à Hadès aujourd'hui. Ok. T'imagines, en cours de latin, on va jouer à Hadès, on va étudier la mythologie. Oh là là, mais on retourne à l'école. Tu sais que regarder 3, ah, mais ça on a l'a été fait. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. En latin. En cours de latin, on avait regardé Gladiator, mais parce que je suis. On l'a fait aussi. Ouais. J'ai fait aussi Gladiator. D'ailleurs, en 6ème, je me dis que ma prof était. Non, 5ème, ma prof était un peu vénère parce que Gladiator, ça y va, les découpages. Et nous, on est allé au cinéma, mon petit. Oh là là. Bon, passez tous. Merci pour cette longue digression. Cette parenthèse au collège. Donc, bref, Hadès. Qui c'est Hadès ? Quel est son réseau ? Donc, bon, c'est le dieu des enfers. On est dans la mythologie grecque. Si vous avez vu Hercule de Disney, c'est pas du tout ça. Là, en fait, on imagine le fils d'Hadès, qui est Zagreus, qui, dans la vraie vie, n'existe pas. Mais bon, il y a plusieurs interprétations. La mythologie, ouais, le nom existe, mais a priori, on a vérifié. Soit c'est du Dionysos. Oui, voilà. Soit c'est Dionysos, soit selon les écrits. Ça pourrait être Hadès lui-même. Ça pourrait être Hadès, voilà. Bon, c'est un personnage de plein d'interprétations. C'est pour ça, tu vois, moi-même Disney, voilà, il n'y a pas de bon, de mauvais. C'est une interprétation comme une autre, voilà. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la mythologie, c'est assez compliqué, c'est assez libre en termes d'interprétation, et du coup, c'est bien parce que ça permet d'avoir un gros matériau. Donc, bref, on a Zagreus, le fils d'Hadès, qui est en pleine crise d'adolescence. Il décide que son papounet l'emmerde, tout simplement. Donc, il décide de faire le mur et de remonter à la surface, puisque dans la mythologie, les enfers sont sous le sol, carrément. Et donc, en fait, il va essayer de s'enfuir parce que il en veut à son père pour pas mal de raisons. Très tôt, il va se faire aider par les dieux de l'Olympe, qui sont un peu ses cousins, ses oncles, ses tantes, qui vont lui donner des petits coups de pouce comme ça pour l'aider à remonter à la surface. Évidemment, Hadès lui-même va l'empêcher tout en haut de sortir. Et petit à petit, il va y avoir une histoire qui va se créer autour de ça. C'est-à-dire que Zagreus va parler notamment à un personnage qui s'appelle Nyx, qui pendant très longtemps, il pense que c'est sa mère. Il va apprendre qu'en fait, non, twist, ce n'est pas vraiment sa mère. Il va entendre parler de Perséphone, qui est l'épouse d'Hadès dans la mythologie, elle aussi. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que ça va lui donner envie d'aller tuer Hadès un peu plus fort. Une fois qu'il va enfin parvenir à battre Hadès, il va pouvoir remonter à la surface dans le monde des mortels. Il va tomber sur Perséphone qui s'était installée. Elle s'était fait un petit pied-à-terre. Une petite permaculture, ouais, là, avec des tomates, pénards, des choux. C'est ça. Voilà. Pas très aventureux. Elle est sortie des enfers, elle fait « Voilà, là, c'est bien. » C'est vrai qu'elle n'est pas allée très très loin, mais en même temps, c'était expliqué. On pourrait le justifier parce qu'elle voulait rester quand même assez éloignée de l'Olympe, puisque du coup, elle ne voulait pas non plus que les gens de l'Olympe soient au courant qu'elle était toujours en vie. Oui, puisque petite histoire, donc Perséphone, c'est la fille de Déméter, n'est-ce pas ? Déesse des saisons et de l'hiver, des petits grains comme ça qui Je te laisse te débrouiller avec ça. Hein. J'aime bien parce que je suis vraiment parti dans la merde. Mais, et donc, c'était sa fille et elle avait quitté. C'est Hadès qui l'a enlevé. Non, c'est Zeus qui l'a offerte à Hadès en cadeau parce qu'il voulait s'en débarrasser pour emmerder quelqu'un. On parle dans le truc, parce que c'est pareil, il y a plein d'histoires de ce truc-là. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Hadès s'est retrouvé à épouser Perséphone. Leur histoire s'est plus ou moins bien passée. Au bout d'un moment, voilà, ils se sont engueulés. Perséphone a décidé de quitter Hadès directement. Hadès, lui, a mis un gros blocus sur tout ça, interdiction d'en parler. Elle l'a quitté parce que, en fait, Zagreus, quand il est né, il devait mourir quand il allait naître. C'est ce que les Moires, donc, qui étaient les filles de Nyx ou je sais pas quoi, qui ont décidé que voilà, il fate, mourrait. Tu sais, le destin. Le destin, exactement. Les trois nanas, au celle final, qui file voilà. le destin, l'autre qui le coupe, l'autre donc, qui le tire. Donc voilà, Perséphone n'a pas supporté, donc elle s'est barrée, mais Nyx, elle a utilisé beaucoup de son pouvoir pour pouvoir permettre d'outrepasser le destin et à Zagreus d'exister. C'est compliqué cet épisode des ch'tis à l'Olympe. Hein, la référence, Maxime. Maxime. Oh là, je me dessuis derrière cet homme. Donc tout ça pour dire que voilà. Il rencontre Perséphone, il se dit bon, le poteau rose est là. Malheureusement, Zagreus, dès qu'il est dans le monde des mortels, étant donné que c'est vraiment lui une créature des enfers, il meurt. Il a l'allergie. Et il fait une grosse allergie. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, les graminées, c'est une catastrophe. Et donc, il meurt. Et donc, il doit plusieurs fois tabasser Hadès pour continuer juste la discussion. Parler deux secondes avec pour reprendre le message avec sa mère. c'est ça. Et à la fin, bon, il parvient quand même à expliquer à Perséphone que il lui manque, il aimerait bien vivre avec elle. Perséphone finit par accepter et donc tous les deux reviennent aux enfers avec c'est la fin du jeu entre guillemets. Mm-hmm. Mais ça ne s'arrête pas là puisque l'existence de Perséphone reste quand même assez problématique. Hadès a peur que son frère du coup Zeus s'énerve en apprenant que Perséphone avait été caché pendant toutes ces années et donc il trouve un stratagème que je trouve assez hilarant avec Zagreus qui est que il va continuer de s'enfuir des enfers pour justifier qu'il va continuer de jouer aux jeux vidéo comme étant un consultant en sécurité. Hein, c'est dit comme ça, il va tester les mesures de c'est sécurité. C'est vraiment ça ? Mais oui, c'était vraiment comme putain, ça. C'est Mike Ehrmantraut dans Breaking Bad, dans Better Call Saul. Tu es consultant en sécurité. Voilà, il est juste embauché pour vérifier la sécurité. J'avais pas ce petit détail, c'est très drôle. Et donc, pour donner le change et faire croire en fait au dieu de l'Olympe qu'il continue de s'enfuir. Et donc, on va en fait se diriger vers l'épilogue du jeu à ce moment-là. Là, normalement, vous avez déjà joué pas mal d'heures. Si vous en êtes à ce moment-là, il y a des chances que vous ayez peut-être même arrêté. Ramener Perséphone, c'est 10 fois. C'est déjà 10 fois. C'est au minimum 10 fois. Il faut avoir battu Hadès au moins 10 fois avant de pouvoir en arriver là. Donc voilà. Ramener la daronne à la maison. Mettre la daronne à l'abri. Et donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un plan qui va être mis en place au bout d'un moment. Perséphone va décider de révéler son existence, mais pour ça il faut que ça soit Zagreus qui devienne pote. Vraiment il faut qu'il devienne super pote avec tous les dieux de l'Olympe pour que tout le monde soit dans des bonnes dispositions. Il leur file les petits cartons d'invitation comme vous à l'école, vous saviez quand vous créez votre anniversaire. Je t'invite à mon anniversaire. Voilà, tu viens à mon anniversaire, il y a une super boum aux enfers. Banquet d'Astérix. Le gros banquet d'Astérix, voilà, avec les sangliers, le nectar et l'ambroisie et tout ce que vous voulez. Orphée Bayonne dans un coin. Ah, je sais pas. Bah non, j'en ai un, je l'aime bien en fait. C'est sympa. Bref, et donc à la fin, l'épilogue c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la famille un petit peu déconstruite de l'Olympe parvient, mine de rien, à accepter le fait que Perséphone ait été en vie et qu'il y ait eu des petits mensonges, des petits trucs. Ils sont immortels, après tout. Est-ce que c'est très important le temps ? Est-ce que ça compte quand t'es immortel ? De toute façon, on peut pas se buter, donc il y a un moment, il faut, faut discuter. Voilà. Exactement, on n'a pas le choix. Comme dans les vraies familles. Et après, pourquoi Zagreus décide de continuer ça, j'ai jamais trop compris, c'est pas bien justifié, mais je pense que au bout d'un moment, ils avaient plus d'histoire, ils continuent parce que consultant en sécurité, c'est son job, c'est son métier. Ça lui plaît, c'est Sisyphe, c'est ce que j'allais dire, il faut imaginer Zagreus heureux, tu vois. Je pense qu'il est heureux, en plus à ce moment-là, peut-être qu'il a eu une petite relation avec Meg, peut-être qu'il a eu une petite relation avec Thanatos. Avec beaucoup de gens. Avec pas mal de monde, parce que tout le monde dragouille un petit peu quand même, on sent que ça, ce côté de la mythologie grecque, ils l'ont bien accepté. On reviendra là-dessus, effectivement. Donc voilà, en maxant toutes les relations, en donnant des objets, en donnant de la picole à tous les dieux et en les croisant au fur et à mesure de nos pérégrinations dans le Tartare, on va pouvoir inviter tout ce beau monde. Et voilà, c'est l'épilogue, c'est la fin. Sachant que ça, c'est minimum 100 heures de jeu, je pense. Je sais pas quel est le temps qu'il faut. Moi, je l'ai pas vu, c'est-à-dire que je suis à 80 ou 90 essais, je l'ai vu sur YouTube. Voilà. Ah, tu l'as pas vu ? Mais non, toi non plus, Maxime. Bien sûr que non. Quel salaud. Vraiment, je suis vraiment très déçu de cette émission. Vous n'allez pas au bout des jeux et ça, m'embête. Moi j'ai battu deux fois Hadès, je suis heureux. J'ai joué, je crois, un truc comme 150 heures, mais c'est vrai qu'en fait, comme au bout d'un moment tu prends tes habitudes, j'ai pas cherché à maxer. Et puis t'as les trucs. Toi, t'as joué beaucoup à l'early aussi. Oui, j'avais déjà beaucoup joué à l'early access. Tout ce endgame qui arrive, puisque c'est vraiment arrivé à la toute fin. Cette histoire de famille. Hein. De famille. C'est Fast and Furious, de toute façon, c'est ça. À la fin, il y a Dom qui arrive, famille. Ce qui est intéressant déjà, c'est que Il y a une histoire dans un roguelite, ça c'est la première chose qu'on peut noter, parce qu'on parlait des références que sont Slay the Spire et Dead Cells. Niveau histoire, voilà, Slay the Spire, moi j'ai pas trop suivi. Hein. C'est ouais, des mecs qui sont prisonniers, faut se barrer, merci, au revoir. Mais c'est assumé, comme dans plein de... Comme dans plein de roguelites. Pareil dans Dead Cells. Tu joues une espèce de petit esprit. L'histoire, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est le dernier truc qu'ils ont rajouté. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu, il était déjà quasiment sorti, ils se sont dit, bon, on va rajouter une histoire. Ils ont rajouté des petits éléments de lore ici ou là, mais c'est vraiment du prétexte plus qu'autre chose. Parce que ça peut être important de le rappeler, mais qu'est-ce qu'un roguelike et pourquoi est-ce qu'une histoire Putain, c'est vrai qu'on est une émission sérieuse, on l'a pas fait. C'est quoi un roguelike? Pour le dire très simplement, en gros, c'est un jeu où tu meurs et à chaque fois que tu meurs, tu reviens au début et ça va changer les runs. Seront différentes, les salles auront changé, le level design aura changé, les ennemis, leur composition peut-être, et en plus de ça, ça dépend, il y a roguelite, bon on va pas rentrer dans le détail, mais dans certains jeux, et Hades en fait partie, on va en plus de ça farmer de l'XP ou de l'argent et acheter de nouvelles améliorations qui nous accompagneront lors de toutes nos runs. L'idée c'est qu'à chaque nouvelle run, on a gagné un petit truc qui nous donne un avantage sur les prochaines runs et qu'on puisse progresser petit à petit vers l'objectif final. Alors qu'un Spelunky, je crois, tu ne débloques aucune upgrade. C'est juste tu recommences et c'est ton expérience qui fait que je vous fais mon petit topo sur l'interprétation de Berlin. Non, on ne veut pas. C'est bon, merci, on la connaît. Tapez interprétation de Berlin dans Google, vous verrez qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup de temps de leur vie sur ça. Et voilà. C'est pas si intéressant, mais c'est intéressant de se dire, c'est un quand même qui narrativement est pas toujours évident du coup à justifier. L'aléatoire, c'est pas évident de marier l'aléatoire et la narration et c'est... la mort perpétuelle aussi. Oui. C'est quelques challenges, on va dire. Du coup, beaucoup de jeux assument de juste dire oui, bon, il revient, machin. C'est un clone, c'est un esprit, c'est l'enfant, passé, l'héritier, une autre dimension. Rogue Legacy, c'était rigolo parce qu'il y avait le côté, c'est les enfants du coup des précédents, donc ça c'est marrant. Ouais. Il y a quoi? Il y a Into the Breach où c'est on remonte dans le temps. Ils vont dans une autre faille. Nanomachine. Star Renegade, je crois que c'est une dimension. Parallèle, c'est ça. Et est-ce que c'est un spoil? Je crois pas, mais Crying Suns, non, c'est assez tôt, je pense, c'est dit. Oui, c'est dit normalement très tôt. Ouais, donc c'est un clone, tu reviens dans un clone qui était stocké. Et dans Dead Cell, du coup, en fait, tu joues juste une espèce de petit blob qui tombe dans les égouts et qui revient au début. Donc, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est l'art à la française, tout simplement. Mais donc, Hades, ils ont essayé vraiment, ils ont rentré le roguelite déjà dans l'univers, puisque y a tout cet univers de la mythologie qui va leur permettre de s'approprier toute une iconographie, des choses qu'on connaît, mais aussi d'utiliser ce truc-là de Zagreus qui est immortel, mais quand il meurt, en fait, il revient direct dans cette espèce de grand bain de sang là qui est posé comme ça dans le salon. Ouais, c'est de là que les âmes en fait des mortels sortent pour passer devant queue, Hadès. Ouais, tu as toujours la queue avec Hypnose, tu sais, qui est toujours en train de dormir pendant qu'il est en train de noter les trucs. Et je trouve ça, moi personnellement, vraiment brillant comme idée, parce qu'ils ont réussi à trouver un univers qui s'adapte parfaitement aux mécaniques de gameplay. C'est cohérent avec l'univers, le fait que Zagreus, quand il meurt, il retourne à la maison, donc du coup il a sa chambre, il a ses potes, il a son appart, et après hop, il refait le mur et il repart à chaque fois. Moi je trouve ça très malin, parce que du coup ça donne en fait déjà une bonne cohérence, une bonne base en termes de narration, et après ils se sont lâchés effectivement, comme tu le disais, avec tout ce qu'ils avaient envie de raconter autour de ça. Ouais, parce que il y a énormément de choses qui ont été écrites, hein. on a noté 300 000 mots, 220 lignes de dialogue, alors... 220 000 lignes de dialogue. Alors on vous donne des chiffres comme ça, pas forcément de comparaison. On les a comptés nous-mêmes, bien évidemment, puisqu'on a fait le jeu en entier, platiné, tout ça, vous le savez. Non, évidemment, c'est eux qui ont donné les infos. Mais tous les dialogues ont été donnés parce que y a tout ce cast de personnages qui sont tous ces dieux, en fait, qu'on va côtoyer, qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure du jeu. Et puis surtout, ce qui se passe, on passe pas mal de temps dans cette la fameuse maison de Hadès, où justement, à chaque fois qu'on meurt, on va revenir et on va pouvoir discuter avec les différents personnages qui sont là. Alors c'est pas les dieux qui sont là, c'est plutôt les comment on les appelle, les dieux de l'enfer. Je sais pas, c'est un peu les employés de maison, hein, parce que Yaduza, tu vois, c'est elle qui est là pour faire la poussière. Hypnos, il bosse pour Hadès. Achille, lui, il est là dans son coin. Il est là, il est peinard. Mais alors Achille, a priori, il est là pour entraîner Zagreus. Oui, il lui apprend à utiliser la lance. C'est son mentor. Il y a ça. Nyx, elle est là parce que elle est cool, elle est sympa. Oui, elle vient. Orphée qui traîne, qui est le musicien personnel. Meg et ses frangines, tu vois, entre deux tortures, elles viennent prendre un petit verre parce que de temps en temps faut se détendre. Oui, c'est pas rigolo. Au bout d'un moment, il y a un bar au début. Il a été détruit par Cerbère, mais au bout d'un moment, tu peux le reconstruire. Tout à fait. Donc il y a tous ces personnages qu'on va croiser et on va, bah, au fur et à mesure de nos sorties, faire avancer la narration et du coup, bah, découvrir tous ces petits trucs. Il y a même des mini-scénettes à certains moments où on a des espèces de flashbacks comme ça avec, oui, avec Zagreus, où l'écran devient sépia et on va aller, bah, notamment, bah, fouiller d'abord dans les affaires un petit peu de Hadès. Oui, il y a les archives, c'est là qu'on va fouiller dans sa chambre. On découvrira que, bah, voilà, ce n'est pas le père. Voilà. Ouais. Et après, bah, effectivement, une fois qu'on a déjà rencontré Perséphone, on peut aller fouiller dans la chambre d'Hadès et on voit, bah, le petit portrait de Perséphone qui est à côté du lit de Papounet, tu vois, genre, il est toujours amoureux de toi, maman. Il t'aime toujours, il a le portrait. Donc voilà, ouais, c'est, ouais, ça. C'est la preuve. C'est ça, c'est comme ça. C'est vrai que c'est assez marrant ces petites scénettes-là, mais ça permet vraiment de donner une vraie progression, entre guillemets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on est juste dans l'action, vraiment dans le flow de l'action, les dialogues ne se répètent pas. On est toujours dans une vraie progression parce que, ça on le redira, le jeu s'adapte parfaitement à tout un tas de petites conditions, de petites, ouais, situations pour déclencher des dialogues en fonction de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, de qui on a croisé, dans quel ordre, etc. Et les New Game Plus sont aussi justifiés narrativement, comme tu le disais, c'était que même si on arrive à Perséphone une fois, c'est pas la fin du jeu, on, ouais, va retourner en enfer parce que son corps est pas adapté, du coup il faut le faire 10 fois, et après, comme tu le disais, les New Game Plus sont aussi tout par le consulting, c'est ça. Il y a tous les dieux, donc je le disais, on va pouvoir aussi, bah, maxer nos relations. Alors on va leur donner des trucs, on va apprendre, voilà, on va leur parler, comme tu leur disais, parfois quand on a choisi le bienfait de loin, et ben il y en a un autre qui va commenter, ah bah c'est machin, ah t'as pris lui, oh je l'aime pas trop, et on va apprendre comme ça à tisser toute cette toile de relations, et qui, je trouve, rend bien compte, bah, de l'image, encore une fois, qu'on a un petit peu de la mythologie, de ces dieux qui se tirent dans les pattes, qui se faisaient des coups un peu dans le dos, évidemment Zeus qui était toujours là pour aller, voilà, féconder des jeunes filles, se transformer en fluide, voilà, bien sûr. Donc voilà, il y a toutes ces histoires là et c'est vrai que, bah, au final on sort de ce jeu et je trouve qu'on s'attache à tout ce cast. On a l'impression quand même d'avoir vécu, bah, cette petite vie de famille un peu dysfonctionnelle au fur et à mesure du jeu. Parce que, bah, déjà, Zagreus, il a des tonnes et des tonnes de remarques, et c'est vrai que du coup, il donne vraiment un ton et il donne le rythme de l'histoire, parce qu'il fait des commentaires sur tout ce qui se passe. Il entend le narrateur, parce qu'on a encore une fois le narrateur qui nous parle. C'est lui. Non, c'est pas lui le narrateur, c'est la voix de Logan Cunningham, tu sais, le narrateur habituel des jeux de Supergiant, qui commente, tu sais, il lui dit, ah oui, il peut pas s'asseoir, etc., parce qu'il y a toutes les blagues comme ça. Oui, et en fait, Zagreus l'entend, donc il y a tout ce délire-là, un peu méta, entre guillemets, où il s'amuse. Et donc, tout ça fait progresser. Donc, lui, en fait, c'est vrai qu'on a un vrai gros attachement avec tous ces personnages qui ont chacun une personnalité très affirmée, vraiment un design super travaillé, des histoires. Il y a des mini-histoires, comme tu le disais, il y a des petites intrigues, chacun va avoir des petits trucs. On peut sauver Orphée et Eurydice pour les remettre ensemble. Il y a Patrocle et Achille. Il y a toutes ces petites histoires-là, en fait. On peut sauver Sisyphe aussi. Je sais qu'on peut, à un moment donné, on peut demander, on peut réussir à négocier avec les frangines pour un peu adoucir son fardeau. Bref, il y a plein de petites histoires comme ça, sympa. Et Zagreus, qui est vachement sympa, enfin, qui est un personnage super sympa à côtoyer, ouais, je trouve. Il a cette façon, cette espèce de, pas de flegme, mais il prend un peu les trucs comme ça. Ouais, voilà, un détachement. Mais en même temps, tu sens qu'il a de la compassion pour tous les autres personnages. Il a envie de résoudre les problèmes. Et d'ailleurs, finalement, c'est par lui que se résolvera toute la situation autour de Perséphone. Donc ouais, c'est un personnage qui est super intéressant, agréable à côtoyer, je trouve. Il commente un petit peu les trucs comme ça, il lâche des petites punchlines, des petits trucs. Il est vraiment en opposition à son père, en plus, parce que du coup, il se bat en permanence, mais justement, il essaye de pas être comme Hadès, parce que c'est vraiment le modèle qu'il veut pas faire. Donc il essaye justement d'aider les gens par opposition à son père, qui lui est le dieu des enfers, donc ouais, c'est méchant. Assez il autoritaire, doit faire peur. Voilà, il est ferme comme ça. Alors que Hadès, c'est le tsundere ultime, c'est-à-dire que c'est vraiment le tsundere. Ah, vous parlez pas anime, vous parlez pas Weeb. Non, c'est les personnages dans les mangas qui font ce genre, ils sont très renfermés sur eux-mêmes, grognons et tout, mais qui en réalité ont un gros cœur d'or, etc. Parce que dès qu'il ouvre un tout petit peu l'armure, tu sens qu'Hadès, finalement, c'est un peu le gros nounours, quoi. Il est quand même pas à ce point-là, je dirais, il est quand même un peu méchant, mais il y a quand même ce petit côté où des fois t'arrives à briser l'armure et pendant quelques secondes, il va être sympa, il va appeler Zagreus mon fils, il va quand même avoir des petites, tu sais, une petite tape dans le dos comme ça pour le tuer, tranquille, quoi, gentil. Il faut évidemment qu'on parle du côté... Il y a un côté un peu dating sim, du coup, puisqu'on doit discuter avec tous ces dieux. Et on est obligé de mentionner le fait que c'est devenu un peu un phénomène, hein, sur Internet. Pourquoi tout le monde est si horny dans Hades? Quand on dit tout le monde, ça veut dire Twitter. Hein. Oui, voilà. C'est Twitter. En fait, c'est vrai que le jeu a réussi vraiment à trouver une place comme ça, à créer cette espèce d'épiphénomène sur Twitter où voilà, les gens étaient à fond sur tout le monde, il y avait des crushs partout, les gens qui sont amoureux de Meg, les gens qui sont amoureux de machin, qui kiffent, il y a des gens même qui kiffent le taureau. Astérion, il est là lui aussi, hein, voilà. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Hein. Bon, moi je dois admettre que je ne suis pas très sensible à ça, j'avoue que les dessins des persos, je les trouve extrêmement réussis, hein. Je trouve que Gen Z, elle a fait un travail... assez incroyable et surtout de réinvention même des personnages. Tu sais, on en discutait, tu sais, tous les petits symboles qu'il y a sur chaque perso. Tu vois, c'est plein super cool, de petits, ils ont tous leurs petits attributs. Tu vois, Athéna, elle a sa petite chouette, elle a sa petite lance, elle a sa petite balance. Enfin, il y a tous les petits trucs qu'on sait en fait faire partie de la symbolique un petit peu de ces dieux et de ces déesses. Aphrodite, elle est toute nue, tu vois, mais elle a ses petits cheveux qui cachent. Ça reste un peu pas vulgaire. Artemis, elle a son chapeau, elle a sa petite peau de bête, elle a ses petites peintures de guerre. Enfin, tu vois, tout le monde a vraiment son truc comme ça et ça rend extrêmement bien l'écran parce que le style là qu'elle a réussi à trouver est vraiment frappant, quoi. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé le petit détail de Perséphone qui a dans ses cheveux, elle a des petites épingles qui sont de la même forme que Déméter, tu sais, c'est des petites branches comme ça. Donc il y a vraiment, il y a plein de petits détails. C'est Eurydice avec ses cheveux en brocoli là, elle est trop rigolote. Ah oui, elle est trop stylée aussi. Bref, tous les personnages effectivement sont vraiment, il y a le character design, on sent qu'elle est au summum de son art, Gen Z, et voilà, ça a permis au jeu de trouver cette identité. Alors là, ils sont tous un peu à poil, ils sont tous très musclés, très beau et tout. Donc voilà, il y a tout ce phénomène-là qui s'est... La beauté, en fait, ça colle un petit peu avec la vision que se faisaient, j'imagine, les hommes des dieux, tu vois, c'est des gens beaux, à part... Et justement, tu vas avoir des exceptions, je crois qu'Héphaïstos, je crois qu'il est moche, mais du coup, c'est une des exceptions, justement, de l'Olympe, parce que les dieux, voilà, c'est beau, point barre. Oui, c'est ça, on reste, en fait, dans cette idée de surfer un petit peu sur l'image que se font les gens de la mythologie grecque, avec ce côté, il y a des relations, tout le monde va coucher un peu ensemble, c'est un peu libre, etc. Il y a un côté très queer aussi dans ce jeu-là, parce que vraiment, il y a beaucoup de représentations. On sent que le casting est assez diversifié, mais c'est pas. J'ai pas eu le sentiment, alors comme je suis pas concerné, ça se trouve, je dis des bêtises, mais j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait du pinkwashing, tu sais, comme on dit. C'est-à-dire que les personnages, ils vivent leur truc. Zagreus peut avoir une relation avec Thanatos et ça se passe très bien, tu vois. Enfin, je veux dire, tout se fait de manière relativement c'est naturelle. C'est pas un sujet, quoi. Ça devient pas un sujet, c'est juste, à force qu'ils se côtoient tous les deux, on sent que, ils ont des petits atomes crochus et du coup, ils essayent de voir jusqu'où ça les mène. Tu peux avoir la relation avec Meg, tu peux avoir ça en parallèle, enfin. C'est très ouvert dessus, le casse, il y a des persos qui sont noirs, il y a des persos qui sont blancs, et on se pose pas forcément la question, enfin, pour moi, ça se tient. Alors, évidemment, il y a toujours eu des râleries, parce que, hashtag les gamers, mais je trouve que vraiment, enfin, tu vois, Arès, il est noir, enfin, il y a Athéna aussi, je crois. Tout le casting est relativement diversifié, donc ça, c'est cool, parce qu'en termes de représentation, je pense qu'il y a vraiment... plein de gens qui se sont retrouvés dans ces personnages-là, parce que comme en plus ils ont des personnalités très affirmées, ça te donne tout un choix, tu vois, t'as tout un panel de choix de gens avec lesquels tu vas accrocher, en fait. Et c'est ça qui est chouette avec la mythologie, c'est que du coup on peut la transformer, on peut la bouger pour qu'elle corresponde à quelque chose de plus moderne, et je trouve que Hadès en fait une lecture super intéressante, enfin, il sait bien approprier la mythologie pour en faire une lecture moderne. Dans les personnalités, moi j'aime bien, d'un côté t'as Dionysos, c'est le mec vraiment cool, qui t'appelle Zag, tu vois, enfin, je sais pas, c'est le petit détail qui marche bien, ou sinon t'as Thésée qui est insupportable, qui est drôle, en fait, comme j'aime bien. Et ça, c'est de la bonne écriture, tu vois, c'est court, en fait, c'est vraiment, c'est dans le voice acting, c'est dans le choix des mots, et c'est vraiment simple et efficace. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais c'était une des caractéristiques des jeux de Supergiant, d'avoir ce narrateur, d'avoir ce voice acting, et là, vraiment, ils sont au sommet de leur truc, parce que vraiment, tous les persos ont un super voix. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que Darren Korb, qui est le compositeur et le sound designer du jeu, c'est lui qui joue la voix de Zagreus, c'est lui qui joue la voix de Skelly aussi, le broyo, et donc même lui, il a mis un petit peu la main à la pâte, et tous les personnages vraiment ont une identité qu'on retrouve directement dans leur voix, dans leur façon de s'exprimer, comme tu dis, le Zag de Dionysos, il arrive avec, en plus dès qu'il sonne, t'entends des gens qui font la fête, t'entends les bouteilles qui champagne, il y a un petit sound design très sympa, t'as le petit sound design qui va avec, c'est génial, quoi. T'sais, moi j'aime bien comment il s'appelle, poser Poséidon, parce que tu sais, il est toujours à vouloir râler sur son frangin en disant non, mais Zeus, lui quand même, tu sais, il essaie toujours de se la raconter en disant c'est moi le plus fort. Et il dit officiellement je suis le numéro 2, mais voilà, quand même. En fait, je suis le numéro 1. Et du coup, comme on l'a dit, il y a une quantité de dialogues folles et tout, ils réagissent vraiment à plein de choses qu'on a faites. On a tué un boss, ils vont le mentionner. Parfois, le simple fait d'avoir un tel poisson sur nous fait que quelqu'un va réagir. Et en fait, cette capacité à avoir produit autant de mots, ça vient pas mal de Payeur, en fait, de l'expérience Payeur. Puisque, comme on l'a dit, Bastion, Transistor, il y avait de la narration, mais il n'y avait pas autant de dialogues, de choses. D'ailleurs, il y a pas mal d'embranchements narratifs, comme on l'a dit, il y a tout un cast de persos aussi. Il y avait déjà cette idée, plein d'artwork différents avec du dialogue. Donc sans Pyre, Hades aurait peut-être pas été tout à fait ouais, comme on ça. On sent qu'ils ont retenu quand même des choses et qu'ils ont exploité ce qu'ils avaient commencé à faire, parce que faut imaginer quand même la toile de dialogue, voilà, le narrative design autour du jeu. Je trouve ça impressionnant, ça doit être assez costaud. Le nombre de fois où tu te dis, ben en fait tu peux refaire le jeu des dizaines et des dizaines de fois. Je crois que je suis à un peu plus de 90 essais. J'ai pas le sentiment d'avoir revu plusieurs fois des dialogues. Alors parfois, quand les dieux te donnent un boon, bon, ça des fois t'as la même phrase, mais par rapport aux situations, Hypnos par exemple, tu peux mourir 6, 7, 20 fois devant Hades, il va trouver des phrases, il va trouver une manière de se moquer de toi. Il va dire, ah tiens, c'est marqué inconnu, parce qu'il y a pas on n'a pas le droit de savoir qui t'a tué quand c'est Hades qui te tue. Quand tu meurs, que c'est l'hydre, ah tu t'es fait tuer par l'hydre, c'est quand même dommage et tout. Enfin, du coup, ça donne vraiment l'impression que le monde prend en compte ce que nous on fait en tant que joueur joueuse, et ça c'est tellement agréable. C'est un truc qu'on voyait pas avant dans les autres roguelikes. Et là où il a été justement où c'est super intéressant, et quand il parle de la continuité narrative du jeu, c'était pour eux un moyen de rendre le genre aussi accessible, puisque comme on le disait, ce qui fait l'expérience roguelike, ça va être d'accumuler des choses, de l'XP, de l'or, machin, pour c'est de la métaprogression, c'est entre deux runs, entre deux morts, repartir avec plus que ce qu'on avait avant, ou parfois juste des connaissances, de l'expérience, avoir appris des patterns, avoir appris tel boss. Et là en fait, le fait de progresser dans les relations qu'on a avec les persos, de comprendre certaines dynamiques qu'ils ont entre eux, tu vois, le fameux Poséidon number 2, tu vois, plein de petites choses comme ça, bah c'est aussi des choses qu'on apporte en fait entre chaque run. Et du coup, même les gens qui peuvent vraiment galérer au roguelike, bah vont avoir ça. On peut farmer l'histoire dans Hades. Il y a une autre récompense en fait à chaque mort, donc limite même mourir, tu te dis, bah c'est pas grave, je vais quand même avancer, je vais encore découvrir des trucs. Et ouais, je pense que ça, vraiment, le jeu réussit du coup à te donner toujours un sentiment de progression, parce qu'il y a l'histoire qui progresse, même si toi t'as peut-être pas trop fais la même chose en boucle, parce que il y a assez peu de niveaux. Il y a que 3 niveaux en fait, donc c'est pas énorme, enfin il y en a 4 pardon, mais donc tu refais toujours les mêmes niveaux en boucle, c'est souvent toujours dans le même ordre, etc. Donc en fait, on a quand même ce sentiment de progresser à chaque fois, justement grâce à l'histoire. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait que le jeu, il est complètement au-delà de tous les autres. Oui, parce qu'un petit défaut qu'on pourrait citer, voilà, c'est qu'effectivement, moi, je trouve que les zones sont peut-être un petit peu répétitives. J'avais bien aimé ce que faisait Dead Cells, où parfois, tu as le choix entre deux niveaux, et en fonction de ton envie, tu dis, bah tiens, je vais plutôt choisir cette zone-là. J'aurais bien aimé qu'Hades ait un truc comme ça, mais bon, voilà, c'est vraiment le petit... Il faut le dire pour le dire, tu vois. Et donc, un vrai aboutissement sur la narration. Enfin, je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on retient d'abord de Hades. C'est cette façon qu'ils ont eu de mélanger la narration un peu visual novel, un peu à la japonaise, comme ça, avec un gros cast de personnages, avec beaucoup de personnalités, parce que c'est juste des artworks, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de moyens non plus qui ont été mis, entre guillemets, là-dessus. Et pourtant, ils arrivent à tenir tout le long de l'histoire sur un jeu qui est en boucle comme ça. Et ça, je pense que, encore une fois, ça a permis de l'élever complètement au-dessus des autres roguelites qui se font, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment apporter une narration cohérente à un genre qu'on avait peu jusque-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que la narration, c'est que vraiment, sur le game design, là, on est aussi sur du... c'est plus que du carré de chez carré, ils sont vraiment sur presque la perfection, enfin, pas loin, tu vois, vraiment, on est sur le très très haut du niveau. Ils sont revenus au système, donc, de un petit peu entamé avec Bastion et Transistor, puisque, Pyre, c'était un peu le pas de côté. Là, on revient à de l'action RPG. On sent que, ils sont un peu dans leur zone de confort, c'est quand même la typologie de jeu qui savent faire. Il y a déjà ces 4... Le personnage a 4 mouvements différents, donc en plus de bien sûr se déplacer. Donc il y a un coup normal, un coup fort, un dash et un pouvoir, donc l'espèce de lancer, là, le petit diamant. Oui, le petit diamant au début de base qu'on peut faire. Et après, on va pouvoir en fait moduler sur ces trucs-là, choisir une modification en fonction des dieux. Chaque dieu va avoir un gameplay qui lui est associé avec des effets. Et après, il va y avoir tout un tas de synergies qu'on va découvrir et qui vont se révéler. Plus on va jouer, plus on va apprendre en fait à tester des trucs, à expérimenter des choses. Et c'est vrai qu'en termes de game design, le jeu, il est vraiment particulièrement carré, quoi. On a, en fait, ça, c'est un truc qui est très lié à ce que font les gens de Supergiant Games. On a beaucoup de contrôle sur tout ça, on va pouvoir le redire. Et du coup, on est tout le temps, non pas dans un côté aléatoire où on recommence une partie, on sait pas ce qui va se passer. Petit à petit, on va apprendre à justement connaître les règles du jeu et à essayer de, on va dire, d'orienter la chance pour qu'elle soit plutôt de notre côté. Ce qui est intéressant, c'est que les dieux, ils ont vraiment quand même une typologie, de modificateurs d'effets qu'on connaît. On sait que Arès, avec les dégâts avec l'espèce de malédiction. On sait que Poséidon, ça va être la poussée et les fractures, donc les ennemis qui sont un peu plus comme ça. Zeus, c'est évidemment l'électricité. Il y a Artemis, c'est les coups critiques. Athéna, c'est les renvois. Ça, c'est trop fort aussi. Le dash renvoi, c'est pour apprendre à jouer au jeu. C'est effectivement la bonne manière de commencer. Et du coup, ouais, très vite, on va pouvoir comprendre comment tout ça va s'appliquer sur nos différentes capacités et commencer à envisager à faire des builds, puisque c'est vraiment ça aussi, c'est typique du roguelite, puisque au fur et à mesure de notre progression, on va se construire notre personnage au fil des bonus. Alors là, c'est les bienfaits, parfois c'est des coffres, parfois c'est des armes. Dans Slay the Spire, ça va être les cartes qu'on va trouver qui vont nous permettre de créer notre personnage et espérer arriver assez puissant pour vaincre Hadès à la fin, tout simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une grosse variété des armes, puisqu'il y a 6 armes principales. Et là, ça, c'est vraiment un truc pour moi, c'est la marque que c'est réussi. C'est que au moment où Hadès, où les gens jouaient beaucoup à Hadès, il y avait des sondages, c'est quoi vos armes préférées? Et c'est jamais les mêmes qui revenaient. On peut le faire aussi ici. Toi, Benoît, c'est quoi tes armes préférées? Moi, c'est les 3 armes en haut à droite que j'aime. C'est-à-dire que c'est parce que c'est l'arc, les poings et le flingue. D'accord. Et c'est vrai que j'aime pas trop la lance, le bouclier et l'épée. Et toi, Maxime? Moi, j'aimais bien le bouclier. Mais on va en parler aussi, il y a des formes, il y a des formes qui vont changer du coup le gameplay de l'arme. Et en fait, la lance, j'aimais bien, je trouvais le lancer un peu naze. En tout cas, j'aimais pas l'arc, c'est sûr. Les points, j'étais pas fan non plus. Et l'épée, bon, classique et efficace, quoi. Ouais, moi j'étais plus bouclier arc, donc voilà. Comme quoi, tous les trois, on a vraiment des goûts différents. Et ouais, chacune des armes, je trouve déjà sur les feedbacks, le contrôle, on est sur un plaisir de jeu assez intense quand même. Ouais, ça c'est vrai que c'est agréable. Hein. Les coups, moi je sais que l'arc par exemple, j'adore ce petit moment où tu relâches. Le bouton, parce que du coup l'idée c'est de faire des petites attaques chargées à chaque fois, dash, attaque chargée, etc., et tu le relâches le bon moment pour avoir un coup plus puissant. C'est le genre de rythmique, moi, que j'adore ressentir dans les mains, et c'est un plaisir, quoi. Oui, en fonction de tes builds aussi, tu vas plus ou moins dasher ou plus ou moins tenter différentes stratégies. Donc non seulement il y a ton arme qui va évidemment dicter ton gameplay, typiquement l'arc, tu vas plutôt rester à distance, mais parfois tu vas avoir des bonus qui font que tu vas faire des coups critiques à courte portée, ou alors l'éventail flèche, t'en as un, tu peux charger l'éventail, ça fait des coups critiques, donc si tu te colles à un ennemi, paf, tu fais des dégâts énormes. Enfin, ça fait un effet fusil à pompe, quoi, où il se prend toutes les balles d'un coup, et ça fait beaucoup mal. Ouais. Il y a aussi le marteau de Dédale, qui est un des bonus qu'on trouve comme ça au cours du jeu, et là, c'est lui, il va modifier encore la façon de se comporter de l'arme. Alors je sais pas, sur le flingue ça va avoir trois bombes au lieu d'une seule, l'épée ou le, je sais pas, la lance qui reviendra plus, ou c'est une autre attaque complètement différente. Enfin, il y a vraiment plein la lance qui va rebondir. Enfin, il y en a vraiment plein de manières. Je crois qu'il y en a une quinzaine par arme, sachant que tu les vois pas toutes au fur et à mesure. Là pour le coup il y a un petit peu d'aléatoire, et du coup si tu essayes de toutes les obtenir, tu vas te rendre compte que ça va peut-être t'orienter vers tel ou tel type de gameplay par la suite. Comme je disais, en fait l'arc c'est du marteau de Dédale, t'en as un c'est coup critique de loin et un c'est critique de près, donc déjà à partir de là c'est assez différent. Ouais, t'as l'épée, t'as une version par exemple qui te divise par 3 ton niveau de max de vie, mais par contre à chaque fois que tu tapes un ennemi tu récupères 1 ou 2 points de vie, donc tu vois, t'as des modes comme ça où ça va être tu vas prendre des gros risques, mais par contre la récompense ça vaut le coup, et donc ça, cette modulation comme ça du gameplay, c'est nous qui la gardons en main, c'est-à-dire que c'est pas le jeu qui nous l'impose, et on a toujours le choix en général, sauf si on choisit de se mettre des contraintes plus tard dans le jeu, on en reparlera, mais globalement le jeu nous laisse toujours à chaque fois 3 choix pour savoir quel boon tu veux, enfin quel bonus tu veux prendre. Et comme je l'ai évoqué, chaque arme a en plus de ça, après en New Game Plus, 3 formes alternatives. Ouais. Oui, ça fait donc 18 armes du coup, 6 x 3. Chaque arme va avoir l'arme de base, mais ouais. Il y a 6 armes et il y a 4 formes, puisqu'il y a 3 formes infernales. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, après, quand tu joues, après, quand tu as débloqué, tu fais plutôt les formes infernales parce qu'elles sont quand même plus avantageuses. Sachant que tu peux, elles aussi, en plus, les faire progresser, les faire devenir plus fortes avec les fameux 100 titans, un truc comme C'est ça qu'il faut dépenser. Sachant que tu as aussi la forme légendaire. Donc là, c'est pareil pour la débloquer. En fait, c'est à chaque fois, il faut parler à tel et tel personnage. C'est sympa, ça permet de se dire, tiens, et puis là, à chaque fois, ces armes légendaires, moi, je les aime bien parce qu'elles changent vraiment complètement le gameplay de l'arme. Chaque arme en fait va plus du tout fonctionner de la manière qu'elle avait de fonctionner jusqu'à présent, et donc ça te pousse, ça t'amène en fait une autre approche, ça te permet de temps en temps tu dis tiens j'ai envie de changer, je vais prendre le bouclier de Beowulf par exemple qui est complètement différent du bouclier de base, l'épée d'Excalibur elle fonctionne pas pareil. Bien d'ailleurs qu'on change de mythologie avec les armes légendaires, c'est-à-dire que l'épée les formes normales c'est les dieux grecs et compagnie, mais c'est Excalibur, donc on est complètement dans une autre mythologie, la lance c'est une forme chinoise ou un truc comme ça, tu avais parlé du bouclier est de Beowulf. Il y a un truc, c'est le flingue de Lucifer, ouais, ou je sais pas quoi. Déjà, le flingue de base, tu vois, dans l'univers, ouais, mythologique, il est assez marrant. Et l'arc, je sais plus ce que c'est, mais bref, à chaque fois, on part dans une autre mythologie. Ça, j'ai trouvé que c'était un des détails que j'ai beaucoup aimé du jeu, en fait, de nous emmener complètement ailleurs. Et ça donne plus de valeur à ces armes légendaires. T'as l'impression que tu as accès à une arme qui n'est pas de ton monde, presque. Et ouais, en plus, comme le jeu est très malin au niveau de sa narration, ce genre de petites choses, ils en ont conscience. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils jouent un petit peu avec les règles de leur univers. Et donc, Zagreus va avoir des réactions particulières. Hadès, il va se dire, mais qu'est-ce que t'as fait à ma lance? Tu vois, tu l'as transformé, c'est quoi? Quel est ce pays? Tu es genre un roi? Enfin, tu vois, quand il parle du roi Arthur, cette épée légendaire, je sais pas quoi, mais qui ça? Personne. Ouais. Tu vois, eux, évidemment, ils ont jamais entendu parler d'Arthur, donc ils se disent, mais qui c'est ce type? Donc, le fait que le jeu réagisse à la fois d'un point de vue gameplay et à la point de vue narration, c'est ça, en fait. C'est cette cohérence de tous les instants qui fait vraiment que le jeu, il est tellement plaisant, quoi. Un truc, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est que tous ces modificateurs aussi, ils sont très lisibles. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un super travail sur l'interface, la lisibilité, les mots, de bien mettre en gras les modifications, de mettre, il y a différents codes couleurs, évidemment par rapport aux dieux, mais aussi par rapport aux effets qu'on va avoir. Et ça, c'est vrai que ça permet, je trouve, très vite de comprendre les synergies, de se formaliser un petit peu comment ça marche dans sa tête. Et là, encore une fois, je compare à Dead Cells, où les tableaux étaient vachement plus complexes, c'était plein de petits pourcentages et tout. Enfin, je trouve que c'était beaucoup plus compliqué, en fait, dans Dead Cells. J'avais moins... Oui, paradoxalement, Dead Cells tire beaucoup plus du côté de Diablo, pour le coup, puisque là, on a des armes avec des stats qui sont un petit peu aléatoires, avec des chiffres qui vont être pris entre une valeur min et une valeur max, etc. Alors que, bon, Hades, on l'a pas encore dit, mais c'est vraiment Diablo dans l'esprit. C'est le reverse Diablo, comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, puisque on retrouve la même logique de, au lieu de descendre sous terre, on va remonter sur terre. Enfin bref, voilà, c'est j'en ai parlé dans mes vidéos, donc ça, je vais pas vous refaire le petit laïus. Mais par contre, c'est vrai que point de vue génération des objets, on est sur un truc qui est beaucoup plus fixe, qui est beaucoup plus compréhensible. Là où Dead Cell, au bout d'un moment, quand t'as 6 ou 7 affixes qu'il va falloir comparer, tu vas te dire alors là je gagne ça, mais je perds ça, est-ce que c'est mieux, pas mieux? Là, au final, là-dessus, Hades arrive à être beaucoup plus lisible et être beaucoup plus dans l'instantanéité. Ouais, on comprend très vite quel impact ça va avoir sur notre build. Par contre, une fois, si t'as un peu oublié, t'es plus trop sûr d'un truc et que t'essaies de retrouver dans l'arbre des bénédictions, là c'est le bordel. C'est là, pour le coup, c'est pas rangé. C'est un peu moins. Ah oui, quand tu ouvres le truc avec. Ça, c'est peut-être compliqué. Le truc de l'interface qui est un peu chelou. Mais ça permet, je trouve, de faire les bons choix, en fait. Quand tu tombes, déjà, tu peux faire le choix à chaque fois entre deux salles, donc tu vas avoir, qu'est-ce que je veux gagner. Et après, même quand on te donne un bienfait, c'est pas juste un bienfait, genre c'est celui-là, c'est t'as toujours le choix entre trois. C'est trois, ouais, en général. Quand tu vas le remplacer, tu vas gagner un bonus, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va permettre de passer à la qualité supérieure. Si tu avais un objet bleu, il va devenir violet. Si tu avais un objet violet, il va devenir rouge. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet aussi de t'inciter à tester des trucs. De la même manière, c'est raconté. C'est-à-dire que c'est genre Poséidon, il est vénère que tu aies choisi un truc d'Arès. Il est là, non, mais prends plutôt mon pouvoir à moi, c'est mieux, tu vois. Donc il va essayer de lui vendre son tapis. Et du coup, c'est toi qui choisis de faire un choix. Ça peut complètement casser ton jeu. Tu peux pourrir ta partie quand tu fais ces trucs-là. Mais le jeu reste quand même globalement dans une optique de plus tu joues, plus tu débloques des trucs, plus t'es fort, et en général mieux ça se passe. Et c'est vraiment ça qui te pousse à jouer, en fait. Donc ça, on l'a même pas vu en early access, mais avant, sur les portes, donc les fameuses portes qui séparent deux salles et on voit la récompense dessus, en fait, avant, il y avait du texte qui disait combien d'ennemis il y aurait, quelle composition d'ennemis ce serait, enfin, qui t'expliquait beaucoup, en fait, ce que t'allais trouver dans la salle. Et ça, ils ont décidé de l'enlever en disant, on va mettre que la récompense, parce que finalement, au début, la raison pour laquelle ils faisaient ça, c'était, on va faire du decision making, comme ça, ils vont prendre du plaisir à préparer un petit peu l'entrée dans la salle. Et maintenant, ils cassaient le rythme. Et en fait, ils se sont dit, en fait, les gens, ils veulent juste la récompense. Ouais. En fait, c'est plutôt la récompense. Et on va garder la surprise dans la salle parce que tu joues pour la récompense, quoi que soit la chose qui t'attend dans la salle. Après, parfois, t'as un petit indice, t'as une tête de mort à côté, je sais plus vraiment ce que c'est. Oui, c'est juste pour dire. Soit c'est un mid-boss, soit c'est quand il y a des élites, des ennemis plus forts, des ennemis élites. Tu peux avoir ça, ça va t'indiquer que tu vas avoir aussi une double récompense. Du coup, tu vas avoir plus de récompenses quand t'as ça. Bon, il y a pas mal de petits indicateurs, mais c'est vrai qu'une fois que tu rentres dans la salle, des fois, t'as la surprise, c'est d'entendre la cloche, et du coup, t'as le défi d'Hadès où tu dois tuer tous les ennemis un minimum de temps. Des fois, t'as Thanatos qui va se pointer et il va te mettre au défi aussi. Des fois, il va falloir survivre pendant un certain nombre de secondes. Donc, il y a toujours plein de petits événements qui font que chaque partie que tu fais, normalement, ne sera pas totalement identique à la précédente. Oui, entre les armes, les marteaux de dédale, les différents bienfaits, c'est compliqué quand même de voir la même chose avant un bon moment. Et puis les zones peuvent avoir leur petit gimmick, tu vois, la seconde zone c'est la lave, donc tu as déjà un petit peu cette notion de placement qui est différente, tu as beaucoup d'ennemis qui te balancent des bombes ou qui te sautent dessus, tu as toute la zone de l'Elysée où quand tu tues un ennemi, il y a un petit esprit, tu sais, qui sort, il faut le tuer avant qu'il... ils sont chiants. Et ensuite, là où tu as quand même la plus grosse différence, c'est quand même avant Cerber, où là, c'est beaucoup plus petit, tu sais, les salles sont vachement plus refermées et ils t'empoisonnent et du coup faut aller. La première fois que je suis tombé là-dessus, c'est compliqué. T'es pas à l'aise au début, hein, parce que faut aller aux fontaines et tout. En plus, tu bats l'Elysée, donc tu bats les deux loulous là qui sont quand même un petit peu énervés, donc t'es content. Et tu sais, moi je me suis dit, bon bah allez, ça y est, c'est bon. Et en fait, quand je vois c'est le poison, je dis, oh là là, ça va être plus dur que ce que je pensais. En fait, non, ça va. Mais le pire, c'est les chamans avec leur sarbacane. Ah oui, c'était là, ça ils auraient pu le laisser dans Diablo 2. Ouais, puis après, il y a des scies, des machins. Enfin bref, c'est vraiment le festival à la fin. Les rats empoisonnés et tout. Mais voilà, on n'a pas parlé, on va parler rapidement de la méta-progression, donc des choses qu'on débloque au fur et à mesure. Là, le jeu, encore une fois, a pris les bonnes pratiques. Il y a plein de monnaies différentes. Il y a les obsidiennes qui sont à dépenser dans le miroir, donc là, qui vont augmenter la puissance de notre personnage. Tout simplement, on va pouvoir mourir plus de fois, les fameux refus de la mort. On va aussi avoir peut-être plus de chances d'avoir des bienfaits de qualité supérieure. On va récupérer des sous, des machins. Ouais, bref, on va faire plus de dégâts quand on est dans le dos. On va faire plus de dégâts pendant quelques secondes. Enfin, il y a plein de trucs différents. Et en plus, il y a un petit switch. Le miroir, en fait, permet de te retourner et on peut choisir quel bonus on veut prendre. C'est vrai, comme tu dis, ça, c'est débloqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas, dès le début, déjà, le miroir, tout n'est pas débloqué. Non, des clés qui nous permettent de débloquer la possibilité d'acheter des améliorations. Ensuite, il y aura la possibilité d'avoir plus d'améliorations, comme tu dis, de switcher l'un ou l'autre. Donc, il y a vraiment tout. Y a beaucoup de farming. Les armes, on ne les a pas toutes au début. Le jeu distille vraiment au début. T'en as qu'une. Au début, t'as l'épée et petit à petit, tu les débloques au fur et à mesure. Il faut qu'elles apparaissent et ensuite, il faut les acheter avec des clés. Ensuite, il y a les gemmes qui vont permettre de reconstruire un peu les enfermes. Donc, ça va te permettre d'avoir soit des trucs complètement cosmétiques, un tapis dans ta chambre, ce genre de choses, ou alors des choses un peu plus petit tableau d'Achille, je veux dire, normal. Oui, pourquoi pas. Et après, des fontaines, plus de bonus, le fait qu'il y ait des pots qui contiennent de l'or dans les salles. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir investir. Et après, il y a encore les objets vraiment late game qui sont ceux qu'on débloque en battant les boss. Donc, c'est avec le sang de titan, l'ambrosie, donc la petite boisson, l'espèce de pierre, la gemme. Un diamant, le diamant. Le diamant, voilà. Ça, c'est pour débloquer justement les trucs un peu costauds auprès des architectes dans les enfers. Ou alors de s'en servir de monnaie d'échange pour avoir d'autres choses, puisqu'il y a un marchand qui nous permet d'échanger. Et du coup, c'est un jeu aussi où tu te dis, quand tu commences, tu te dis, j'ai le temps de tout débloquer, d'avoir tous les trucs. Et t'as même des trucs gros qui arrivent pas si tard que ça, genre Chaos, tu vois, qui arrive vraiment, je sais pas, peut-être dans tes 10 premières runs, peut-être les 20 premières, je sais pas. Où là, tu sais, tu perds la vie quand tu y vas, et ensuite t'as un bonus contre un malus, mais temporaire, du coup, il y a un petit risk-reward. Et Déméter aussi, Déméter, tu la débloques que quand t'as pas forcément gagné, mais quand tu t'es battu contre Hades, faut être sorti. Faire le combat final, quoi. Et là, tu débloques un nouveau dieu qui va t'apporter des nouvelles bénédictions et tout. Donc on a vraiment tout le long du jeu, il y a plein en termes de gameplay, tous les trucs liés à la glace, c'est craqué. Les cristaux qui font les lasers là, c'est très très bon. Comme on est sur un roguelite, même quand tu as fait les 10 parties, on va pouvoir continuer à monter la difficulté. Il y a ce fameux mode température dans lequel on va se mettre des handicaps, tout simplement. Donc, soit les boss seront plus forts, soit il y aura plus de dégâts, il y a plein de modificateurs qu'on fait à la carte. Encore une fois, c'est ça qui est sympa, c'est que contrairement à Slay the Spire, on prend un peu les références. Là, Slay the Spire, c'est eux qui décidaient des petits. Les ascensions, chaque fois, le bonus reste fixe et il s'accumule au fur et à mesure. Et là, en fait, ils ont décidé de laisser la liberté aux gens de choisir eux-mêmes, de se dire qu'est-ce que je me sens capable de faire, en fait c'est ça, parce que l'idée c'est de progresser. Tu dois faire chaleur 1, puis 2, puis 3, puis 4 pour débloquer de plus en plus de sang de titan, etc. Et donc c'est à chaque fois tu te dis qu'est-ce que je vais supporter, qu'est-ce que je vais accepter comme contrainte dans cette run là et oui, c'est ça, c'est toi qui choisis. Tu peux te dire je joue vite, donc je me mets la limite de speedrun qui vaut cher. Des fois tu as des limites qui valent très cher, mais par contre en échange tu vas devoir taper les 3 furies en même temps, la version améliorée de l'hydre, ou du coup le terrain complètement change, etc. Il y a beaucoup de modificateurs, et plus on va aller loin à travers ça, plus évidemment ça va devenir compliqué. Et c'est intéressant parce que, comme on le disait déjà, il y a une vraie, les armes sont très équilibrées, il y a une vraie affinité en fonction des gens. Il n'y a pas objectivement une arme qui est plus dure que les autres. Ouais. Alors il y a peut-être une qui est moins gagnée, mais il disait vraiment factuellement dans les stades de complétion, il y a un bon équilibre, tu vois, entre toutes les armes. Et température, c'est un peu pareil. C'était Amir Rao, je crois, il disait à un moment, alors je sais plus pour quel truc de New Game Plus, de quête très très long terme, il faut avoir une température de plus de 30, enfin bref, je sais plus. Et il y avait un débat sur un de leurs réseaux qui était, bon, bah, quel est le meilleur truc. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse, ça dépend de toi. Comme tu disais, Slay the Spire, c'est imposé. Là, dans Hades, bah, c'est en fonction de ce que toi, tu juges être le plus facile, et tu peux avoir tort. Ouais, c'est ça, tu peux te tromper. Par exemple, moi, un des trucs que je m'étais rendu compte assez tôt, c'est que dans les trucs des enfers, au début, t'as un truc qui te dit, ben, les ennemis, ils ont un petit bouclier, ils ont un petit cœur bleu au-dessus de la tête, qui fait que le premier dégât qu'ils vont se prendre, il est dans le vent, ouais. Et après, il y a leur vraie barre de vie. Et au début, je m'étais dit, ah ben, ça va, tu vois. Sauf que si tu joues avec une arme qui est très lente, ouais. En réalité, ça augmente énormément le temps que tu passes dans chaque salle, et donc, bah, fatalement, ça augmente les chances que tu te fasses toucher, etc. Donc, selon l'arme que t'as choisie, il y a des contraintes qui sont plus ou moins galères à gérer. Et cet équilibre un peu risque et où c'est toi qui vas choisir en fait d'ajouter de la difficulté en échange de plus XP, plus d'or ou de quelque chose. En fait, c'est un truc qui est dans tous les jeux Supergiant. Dans Bastion, alors je l'ai pas fait, mais il y a un système d'idole que tu peux activer. Dans Transistor, ça on en avait parlé. Je suis plus sur l'épée, mais c'est un peu ça. Tu mets. Ouais. En plus, ce qui est toujours intéressant, c'est que la difficulté, c'est pas toujours un truc très simple du style ils font plus de dégâts ou tu fais moins de dégâts. Non, parfois c'est des trucs un peu plus subtils, comme tu disais. Ça va être, tu faut leur mettre un coup avant. Ou dans Transistor, il y avait, ça fait un peu comme les mecs de l'Elysée d'ailleurs, de Elysium, où quand tu les tues, il y a un petit truc qui sort, ils se ressuscitent au bout de quelques secondes. Si tu détruis pas le truc après leur mort, au bout de 5 secondes, ils ressuscitent. Enfin, bref, c'est toujours des petits trucs. C'est compliqué de jauger, tu vois. Tu lui dis, est-ce que ça va être si difficile? Enfin, bref. Et dans Pyre, il y avait aussi ça avec ce qu'ils appelaient les Titan Star, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, et oui, même principe, tu vois. Ça donnait des bonus à l'équipe adverse, hein, et toi, en attendant, tu pouvais booster des stats après coup. Et ça, cette liberté qu'il laisse aux gens, la fameuse player agent. Comme on dit en game design, c'est vraiment une des marques de fabrique en fait maintenant de Supergiant. Ça fait partie vraiment de leur ADN. Ils essayent de faire ça. Ils le disaient justement, le système de chaleur. Ils se sont inspirés, comme tu disais, de Slay the Spire, mais ils se sont dit, ben nous, notre façon de fonctionner, c'est de laisser aux gens le choix. Et donc, juste en laissant ça, tu donnes le contrôle aux gens et tu donnes en fait le sentiment qu'on maîtrise notre propre progression. Et ça, c'est super parce qu'en fait, tu génères encore plus d'attachement à ton personnage et à ta propre histoire. Ouais, et puis encore une fois, je trouve que justement, quand on regarde un petit peu tout ce contrôle, moi, ça m'a. J'ai vraiment, tu vois, moi par exemple, j'aime pas du tout Isaac, où il y a des objets dans tous les coins, où j'ai vraiment pas l'impression de maîtriser, justement. J'ai l'impression d'être beaucoup esclave de l'aléatoire. Alors que là, dans Hades, j'ai l'impression que j'avais vraiment la main sur mon expérience. Et en plus, déjà, j'ai eu un sentiment de progression qui était vraiment parfaitement fluide, tu vois. J'avais vraiment toujours l'impression d'aller un peu plus loin, et à la fois grâce à la métaprogression, tous les trucs qu'on débloque, mais à la fois aussi dans ma maîtrise du jeu. Et du coup, j'avais une progression qui était vraiment agréable. Et c'est un des rares roguelites que j'ai pu finir, et je l'ai fini plusieurs fois. Alors que d'habitude, en général, j'abandonne un peu avant la fin. Tu vois, Dead Cell, j'ai vu le boss final, mais je l'ai pas battu. Après, je fais, c'est fini. Tu vois, j'en ai marre. Tu vois. Et vraiment, c'est pas souvent que j'insiste comme ça. Et Hades, je trouve que par ce contrôle qu'il te donne, ça te permet de pouvoir te projeter. Enfin, tu vois, quand j'étais à genre un certain moment de ma run, je me dis, là, il m'en faut encore quelques-unes, et c'est bon, je sais que ça passera. Tu vois. Donc il y a ce côté, voilà, ce côté contrôle. Moi, ça m'a mis en confiance, et je trouve que ça, je pense que ça accessibilise un petit peu le roguelite. Et pour moi, c'était vraiment une bonne expérience, du coup. Et ils sont allés encore un peu plus loin. Si jamais tu as besoin justement d'un petit coup de pouce, ils ont, je crois que c'était un peu avant la sortie, ils ont sorti le mode divin, le mode god, qui en fait est vraiment une super bonne idée, puisque au lieu de bêtement genre réduire les dégâts des ennemis ou quoi que ce soit, c'est un truc qui fait qu'à chaque fois que tu vas mourir, ton personnage va réduire les dégâts qu'il va prendre et tu vas gagner 1% de résistance aux dégâts au fur et à mesure. Il me semble que c'est ça, hein. Ça s'incrémente de 1 à chaque fois. Et donc ça fait que même si tu veux une sorte de mode plus facile, entre guillemets, tu vas quand même jouer. C'est-à-dire que tu vas pas être vraiment puni parce que tu joues en mode facile. Souvent, il y a des jeux parce que l'expérience est plus courte, comme elle est plus facile. Là, tu vas devoir quand même galérer, tu vas quand même devoir battre Hades tel qu'il se bat, sans modification du gameplay, sans modification de son comportement, mais par contre, tu vas être plus résistant. Autant, moi, je suis plutôt partisan des modes invincibles, machin et tout, mais là, ils ont trouvé quand même une solution qui est vraiment élégante pour garder l'expérience roguelike, parce que comme on le disait, dans le roguelike, tu meurs. En fait, ça fait partie du truc. Et du coup, là, même si tu galères, que tu voudrais que ce soit facile, parce que, bon, si tu faisais un truc invincible dans un roguelike, après, moi, je dis, je m'en fous. À partir du moment où c'est optionnel, fais ce que vous voulez, je m'en fous. Mais si t'as pas envie de mourir dans un roguelike, bon, il y a un moment... Il faut se poser la question, à quoi tu veux jouer. Pourquoi te faire du mal? Oui, voilà. C'est ça, il y a plein d'autres jeux, c'est pas grave. Mais là, du coup, c'est vraiment élégant, puisque tu vas devoir mourir, tu vas devoir quand même prendre l'expérience roguelike, ça va devenir sensiblement plus facile, mais il faudra peut-être mourir 5-10 fois avant que ça fasse une vraie différence. Et là où vraiment, c'est le double effet qui se coule, c'est que en plus de ça, c'est un truc qui fait que tu prends moins de dégâts et du coup tu restes plus longtemps dans la partie. et ça ils en sont conscients, ils le disaient dans un podcast, c'était que bah, à partir du moment où tu prends 10, 15, 20% de dégâts en moins, bah, tu as plus le temps d'analyser ce que tu fais mal, pourquoi est-ce que tu te prends des coups comme ça, enfin, c'est vraiment la bonne idée qui marche à plein de points. Et le dernier point où c'est le triple effet qui se coule, c'est que côté dev, du coup, bah, ils n'ont pas besoin de se casser la tête à faire de l'équilibrage compliqué, changer des patterns et tout, ils font non, c'est juste 1% de résistance en plus et on change rien d'autre. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est quelque chose qui s'active, se désactive à la volée, c'est-à-dire que si, je sais pas, à la fin t'en as un petit peu marre et que t'as envie du coup de pouce, je sais pas, t'as envie de passer à autre chose, mais t'as envie quand même de battre Hades, et bah bim, tu te mets un petit coup de mode divin et hop, tu termines comme ça. Ou à l'inverse, tu peux commencer avec ça et te dis bah ça y est, je pense que j'ai bien compris et maintenant je peux m'en passer. Donc ça aussi c'est bien, c'est que de pouvoir customiser son expérience, voilà, c'est vraiment sympa, et d'avoir encore une fois la maîtrise de pas être bloqué dans un mode de difficulté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant les jeux le font beaucoup, hein, de pouvoir modifier la difficulté à la volée, mais il y a 10 ans c'était quelque chose qu'on voyait pas du tout. Et puis surtout avant il y avait les histoires de trophées et de succès qui bloquaient les gens, c'est-à-dire quand tu commençais ta partie ils te disaient attention, si tu passes de normal à facile tu gagneras pas les trophées, et du coup c'était un peu contre-intuitif parce que vu que l'idée des trophées c'était d'inciter les gens à continuer de jouer, là en fait tu crées une situation dans laquelle tu générais de la frustration et tu pousser les gens à arrêter. Et aujourd'hui, vous pouvez finir les jeux dans n'importe quelle difficulté, vous aurez votre trophée, vous avez fini le jeu. Il y aura probablement des trophées pour les modes de difficulté les plus extrêmes, ça c'est pour les gens qui veulent s'amuser, mais on voit plus ce truc-là. Et Hades, vraiment, ils sont très malins, parce qu'à l'opposé du mode divin, il y a aussi le mode infernal, bêtement, tu peux activer ça, par contre, je crois que c'est une fois que tu l'actives, c'est définitif, c'est sur une des sauvegardes que tu crées, tu vas avoir des malus en permanence, mais c'est littéralement ton choix, c'est-à-dire que si tu veux une expérience qui est plus complexe, tu peux l'avoir aussi. Et du coup, on sent vraiment que c'est un roguelite qui est super maîtrisé à tous les aspects du jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on a à la fois une innovation quand même sur la narration qui permet de montrer une nouvelle voie dans le genre. Alors est-ce que ce sera facilement copiable? Je sais pas. Nous on en discutait un petit peu, on se disait que c'est la mythologie, ça marche bien justement parce qu'il y avait tout ce cast de personnages. Est-ce que tous les autres, est-ce que ce sera facile à recopier? Je sais pas. Puis ça demande en plus pas mal de moyens. C'est vrai que c'est une question qui a été beaucoup soulevée dans la communauté des devs. C'est que Hades, un peu comme on l'avait dit à l'époque avec Hollow Knight, c'est un jeu qui entre guillemets fait un peu du mal à la concurrence parce qu'ils arrivent avec un niveau de polish, de production value. Il y a peu de studios qui peuvent se permettre d'avoir un casting de plus de 25 personnages qui sont tous doublés avec des centaines de milliers de lignes de dialogue, etc. Il y a peu de studios qui ont ces moyens-là, du coup, d'avoir autant d'écriture, autant de design, etc. Et donc, il y a des gens qui ont dit, on arrête de faire des roguelikes parce que pour l'instant, le standard est tellement élevé que de toute façon, on va se retrouver face à un mur rapidement. Et en plus, il coûte 20 balles, tu vois, c'est qu'il est à peu près au même prix que la concurrence. Et ils commencent à atteindre un nombre quand même de personnes, je sais plus si on l'avait dit, mais sur Transistor et Pyre ils étaient 12 et ils sont passés à 19 pour Dead Cells. Bon, 19, ça commence quand même à faire un certain nombre de polish, travail par rapport à d'autres gens qui font des roguelikes qui vont être entre 1 et 5, tu vois, évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Et ils sont vendus 20 balles, donc ça fait mal quand même. Oui, et puis même qualitativement sur le jeu en tant que tel, des roguelikes de ce niveau, comme tu le dis, aujourd'hui, je pense que c'est comme Hollow Knight, c'est vraiment, ils ont ils ont dit, maintenant... Le standard, c'est ça. C'est nous qu'on fera mieux. Ouais, c'est nous qu'on fera mieux ou quelqu'un d'autre qui va arriver plus tard, mais pour l'instant ça va être nous les rois du game. Les deux derniers c'était Slay the Spire, Slay the Spire est toujours tranquillou dans son truc avec ses cartes, mais c'est vrai qu'après Dead Cells, là aujourd'hui Hades a monté encore et un truc qu'on a regardé, tu sais, pendant la préparation, en fait je m'étais un peu demandé en termes de vente à quel point les roguelikes c'était un genre de niche ou si ça fonctionnait vraiment, parce que nous comme on est dans la sphère Twitter toujours, il y a toujours cette espèce de biais les roguelikes ont l'impression que c'est énorme, alors qu'en fait en réalité quand Returnal est sorti c'était le seul roguelike triple A de l'histoire. On peut mourir, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était assez bizarre comme réaction, tu sentais le décalage, mais du coup ça montre bien que ça reste un truc réservé à la sphère indé, on va dire. Et donc en regardant toujours avec nos histoires de review Steam grâce à l'outil Steam Spy, en fait on s'est rendu compte que tous les premiers roguelikes qui se sont le mieux vendus, ce sont tous des jeux qui ont eu un early access, que ça soit Risk of Rain 2, Slay the Spire, Dead Cells, Don't Starve, parce que il y a eu des bêtas, etc., mais lui il est là depuis tellement longtemps, ça fait partie des meubles. Darkest Dungeon, il me semble qu'il y avait eu plusieurs versions également. Il y a eu une early access. Bref, tous ces jeux qui se sont les plus vendus qui ont le tag roguelike sur Steam, c'est des jeux avec de l'early access, et donc on retrouve cette idée de, en fait ça permet de, pour ce style de jeu-là, ça fonctionne bien, cette idée-là. Cette idée de, bah, de petit à petit, on va améliorer les choses, on va recueillir vos feedbacks, enfin vos retours, vos critiques à vous, joueurs, joueuses, et on va améliorer le résultat final. Ouais, bah, y a tellement de données à récupérer, tu vois. Même eux étaient surpris dès l'early access, donc il n'y avait que deux boss, je crois. Ils étaient déjà étonnés que des gens y rejouent tellement de fois. Enfin, t'as une quantité de retours, ils regardaient beaucoup de streams. Je plaide coupable. mais c'est ça. Et de toute façon, voilà, en dehors de l'early access, t'auras jamais des infos comme ça juste avec des playtests. Et quoi, puis même d'ailleurs, on parle des streamers, mais ça aussi c'est un super outil hein, pour les devs de voir en fait en early access des gens streamer. C'est le meilleur playtest de la vie que tu peux avoir quoi. Donc, tu le vois dans les docunoclips, c'est assez rigolo quand ils sortent des mises à jour. Ils, en fait, ils ont une télé avec des streams. Beaucoup de studios ont ça, il faut le savoir, où ils mettent des streamers qui jouent au jeu au moment où un truc est dispo, parce qu'ils étudient en fait. Ils sont en train d'analyser. Quand ils voient le streamer qui fait une grimace, là ils notent, il a fait une grimace et ils prennent en fait vraiment comme dans un playtest en fait. Ils sont un peu en mode on regarde ses réactions, on essaie de comprendre ce qu'il a aimé, pas aimé. Parce qu'en plus, ils sont pas en condition justement de playtest qui peut ajouter une espèce de filtre entre la personne qui joue et le studio. Là, il y a un côté, alors même si entre streamers, il y a parfois des filtres aussi, mais où c'est un autre filtre ou beaucoup moins, mais en tout cas, c'est un autre type de playtest. Bah, c'est ça, en fait, ils le laissent vraiment dans la nature. Hein, parce que ça, c'est un truc que j'ai vérifié. J'ai pas noté qu'il y avait eu des streams sponsors de Hades. Ils ont pas forcément payé des gens pour les streamer. Les gens ont, ils ont naturellement ils ont envoyé les clés. Hein, ouais, mais c'est une démarche qui est complètement différente. Ouais. Quoi. Donc, il n'y a pas eu cet effet habituel un peu de pousser, et pourtant le jeu pendant assez longtemps était très très joué sur Twitch, ce qui est quand même un bon métrique pour savoir le succès d'un jeu. Et là-dessus, bah, c'est vraiment ça quoi. Le jeu en fait, il s'est fait sa répute petit à petit au fur et à mesure des mises à jour. Les gens ont commencé à l'accrocher et à se l'approprier en fait. Mais en tout cas, ouais, comme on l'a dit, c'était vraiment là, c'est un peu l'aboutissement en tout cas actuel du roguelite de Supergiant. Il y a d'une part, ils ont innové avec la narration, mais ça se reposait quand même sur une certaine expérience de payeur. On voit que la température, c'était aussi inspiré de leur propre jeu. Donc en fait, c'est pas que du polish, c'est aussi vraiment des bonnes idées qu'ils ont eu, tout ce qui était God Mode et tout, mais ça se reposait sur l'expérience, sur vraiment toute la qualité du travail qu'ils ont fourni. Et on sent qu'il y a aussi une maturité dans le studio, dans le management, parce qu'il y a un autre truc dont on a beaucoup parlé après la sortie du jeu, c'est qu'a priori il y avait pas de crunch chez Supergiant. Et ça en plus, forcément on l'a mis en parallèle en 2020 à The Last of Us 2, puisque là pour le coup il y a eu beaucoup de crunch et il y a eu beaucoup d'articles autour de ça, puis c'est un sujet qui revient régulièrement. Là-dessus, encore une fois, on sent que Supergiant, ils ont bien communiqué, ça fait partie de leur identité, donc c'est pas que du bullshit, c'est juste qu'ils ont conscience que ce qu'ils font est bien, donc il faut le dire. Et en fait, ils ont mis en place très tôt des règles pour éviter le surmenage. On l'avait mentionné rapidement, ils ont mis en place, je crois que c'était les vendredis, ils étaient en télétravail, ça permettait aux gens d'avoir des week-ends. C'est un concept un peu étrange, mais il paraît que c'est très très bien. Ils ont forcé les gens pendant un temps à... En fait, au début, ils leur disaient, vous prenez autant de vacances que vous voulez. Ils se sont rendu compte que personne ne fonctionnait, parce que si vous mettez pas de limite, les gens ils font rien. Et donc, ils ont imposé, et ils se sont imposés eux-mêmes, le management, donc Amir Rao, Greg Kasavine, etc. Parce que pour survivre aussi longtemps dans l'industrie, en général, ce sont des gens, des hommes et des femmes qui aiment beaucoup le travail, on va pas se mentir. Oui, c'est sûr. C'est des workaholics, souvent, ils en sont conscients plus ou moins. Mais là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu donner l'exemple en s'imposant des jours de repos, des semaines de vacances. Et par rapport à la moyenne, on va dire, des entreprises américaines, ils ont quasiment nos 5 semaines de congés comme nous, on peut avoir en France, tu vois. Moi, je trouve ça assez incroyable parce que le fait que ces gens-là doivent s'imposer des vacances, montrer l'exemple au sein de leur boîte, en fait ça montre à quel point la culture du crunch, c'est pas juste des méchants managers en fait, c'est pas des méchants managers, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont cette mentalité là de travailler énormément et ensuite qui font découler et qui créent cette culture là et qui la tissent comme ça dans l'entreprise, et ils pensent pas forcément à mal, tu vois, c'est pas malveillant derrière, c'est juste que c'est une façon de fonctionner et que du coup de désapprendre de travailler et comme ça, ça prend aussi du temps. Ça prend du temps, d'ailleurs, on l'a vu dans les... Il y a eu des enquêtes qui sont sorties récemment dans les écoles de jeux vidéo, parce que si, dans toutes ces écoles-là et dans les trucs de tech et tout, il y a les game jams, des trucs qui durent, on va travailler très tard le soir, on va faire des marathons, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment une culture qui C'est pour ça que c'est important, le terme de culture, il est important, parce que c'est pas que, effectivement, une bête opposition, les méchants managers, les gentils salariés, c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment un pan de l'industrie, de gens qui ont appris à bosser comme ça, qui se sont en fait qui ont intégré cette idée de la passion du jeu vidéo, et donc comme on bosse dans un milieu qui est cool, et on a de la chance, donc il faut qu'on En fait, ça justifie un peu la souffrance. Il y a toujours quelque chose à faire aussi, ouais, c'est ça. Ça s'arrête jamais. C'est ça qu'ils expliquaient, c'est qu'il y a toujours une next update. C'est-à-dire, chaque soir où tu te couches, tu peux pas te dire le boulot, il est terminé. C'est pas vrai, en fait, parce que c'est pendant 3 ans. Il y a toujours un petit bug à fixer, il y a toujours un truc. Et oui, ils le disent, c'est pas forcément intentionné. C'est de dire, bah allez, je reste encore une heure, je fais ça. Et ça s'accumule. Et puis, il y en a un qui est pas parti. Du coup, ah bah vas-y, il est pas parti, moi aussi, je vais faire quelque chose. Et en fait, bah vraiment, c'est une culture, c'est quelque chose qui s'instaure comme ça. Et c'est complexe. Et c'est complexe à désamorcer, c'est-à-dire que même des gens, ils doivent se forcer à dire voilà, on va montrer l'exemple, on va se barrer et on va essayer de se calmer, quoi. Et là où c'était vraiment intéressant, Amir Rao disait que même quand ils ont mis des jours imposés de congé, en fait les gens les prenaient pas forcément non plus, donc en fait il y a un moment ils ont juste dû dialoguer, discuter avec les gens, parce que les gens, et parfois eux-mêmes, continuent à travailler, ne prenaient pas ces jours pour des raisons personnelles. Alors c'est pas forcément des problèmes, hein, mais dans des raisons personnelles, dans le sens, est-ce que c'est parce qu'ils veulent se mettre un petit challenge, un défi, ou terminer tel truc avant d'avoir fait ça. Enfin, il y a différentes raisons qui font que ces personnes vont rester tard ou pas prendre de jours de congé. Et ils disaient, il fallait juste en parler à chacun, en fait, dire pourquoi tu n'as pas pris tes jours de congé. Et en fait, les réponses étaient différentes en fonction de chacun. Donc, il faut un management aussi à niveau humain, en tout cas du dialogue à niveau humain, pour voir un peu les raisons, voir quelles solutions tu apportes, quel type de dialogue tu vas avoir. Et ce qui est beaucoup plus difficile à faire, forcément, dans un studio où il y a 300 fucking personnes, chez Naughty Dog, où il n'y a pas de producteur, parce que bah, on n'a pas besoin créatif, les chefs de projet, mais pourquoi mais qu'est-ce faire que c'est, quoi faire. Non, mais c'est vrai que encore une fois, un studio où il y a 20 personnes, bah voilà, c'est à taille humaine, les gens ils se côtoient tous, ils se connaissent tous, ils échangent tous. On le sait, dans des gros studios, il y a des gens, ils ne savent même pas, enfin tu peux passer 6 mois et dire ah ouais, ces gens-là je les connais pas, je les ai jamais croisés au boulot, enfin, sachant que plus tu vas arriver dans des grands studios, tu sais même pas sur quoi ils bossent, parce que du coup t'as pas non plus la connaissance des projets. C'est pas parce que vous bossez dans un studio de jeux vidéo, ça c'est peut-être que les gens le savent pas, que vous savez par exemple tous les projets en cours chez Ubisoft. Non, il y a assez peu de gens qui savent vraiment tout ce qui se passe, et ça n'empêche pas les fuites, mais le fait est que souvent les gens qui bossent sur un Assassin's Creed, ils savent pas forcément qu'il y a d'autres gens qui bossent sur tel ou tel autre jeu. Ouais. Donc et même sur certaines parties du jeu, qui c'est qui travaille sur ce truc, qui à qui demander quand j'ai un problème, enfin bref, voilà, c'est très complexe en fait, la production de jeux vidéo. Et encore une fois, la gestion de projet, c'est pas un... Les graphismes, on est arrivé à très très bonne maturité, mais par contre, sur la gestion de projet, là encore, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ça, on le sent, en fait, justement, avec Hades et avec Supergiant. Bah voilà, ils ont fêté leurs 10 ans, et tu sens qu'il y a vraiment toute une expérience qu'ils ont accumulée au fur et à mesure de ces années, qui font qu'aujourd'hui, bah, ils sont plutôt sereins, tu vois. Ils arrivent, ils sortent un jeu, en pleine pandémie, avec pourtant un énorme travail de voice actor, etc. Ils font pas de crunch, malgré tout. Ça cartonne. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a une maîtrise de la communication, du développement, du process de création avec les différentes updates, le fait d'avoir choisi l'early access. Et puis des ambitions aussi, tout simplement. Et il y a aussi, voilà, des ambitions qui sont respectables par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas dit on va sortir un MMO en 3D virtuel. Oui, de donner les deadlines, chaque update et tout, ça leur permettait d'avoir vraiment un chemin de fer à respecter, vraiment se dire bah voilà, c'est telle étape, telle étape, telle étape. Et en fait, c'est ça, tu te dis qu'ils ont eu raison finalement de se dire bah oui, on va partir sur l'early access, ça va nous permettre d'être plus serein, d'avoir plus de certitude, de mieux savoir où on va. Et vraisemblablement, ça leur a beaucoup réussi. Vraiment, la notion de deadline, elle est quand même capitale pour plein de trucs. Hein, ça paraît con, mais quand tu laisses des personnes créatives bah, juste bosser sur quelque chose sans qu'il y ait de deadline, forcément, elles partent dans tous les sens parce qu'elles kiffent. Y a aussi une partie passion pour beaucoup de personnes, ou un côté perfectionniste. Tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours polish, tu peux toujours trouver une bonne idée. Alors que là, ça, c'était Greg Kasavin, je crois. Il disait, tu vois, un truc tout bête, hein, mais le nombre de mots, en fait, ils ne savaient même pas combien de mots il y avait. Donc, plus de 300 000, on le dit. Hein, ils ne se doutaient pas que c'était plus que Payeur. Il a su que vraiment quand la version 1.0 est sortie, parce que il disait il y avait toujours des deadlines, et en fait c'est bon, il bossait juste en termes de deadline, il comptait pas, il faisait ce qu'il y avait à faire. Et à la fin, on le rappelle, c'est un marathon en fait, le développement de jeux vidéo c'est un marathon, ça sert à rien de faire des soirs de 16 heures. En fait, ça, au bout de 6 mois, ça devient complètement improductif, même bien avant, j'imagine, pour certaines personnes. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des bonnes deadlines, ce qui n'est pas toujours possible, parce que ce que je dis, c'est évident, mais le problème, c'est que le développement de jeux vidéo étant ce qu'il est, c'est que voilà, le budget va changer, ou va y avoir telle merde, et en fait, bah, t'as pas plus d'argent, du coup... Il y aura une pandémie mondiale en plein milieu. Bah oui, voilà, c'est ça, va y avoir un problème, mais si t'as pas plus d'argent, c'est-à-dire que la deadline, elle reste au même endroit, mais que t'as moins de temps, ou voilà, il faut squeezer plus de temps dans la même deadline, on sait que c'est compliqué. Eux, ils ont pu, en tout cas, ils ont eu les bonnes conditions ambitions pour pouvoir respecter des deadlines qui, ou des bonnes deadlines, ils sont peut-être mis aussi des bonnes deadlines, hein, faut savoir ça. Après, il faut dire que voilà, c'est un studio qui pouvait se permettre, qui peut se permettre de travailler comme ça, parce que bah, ils ont déjà leur carrière derrière eux, ils ont déjà des victoires, donc forcément, c'est plus facile d'essayer de préparer les prochaines. Donc forcément, il y a une certaine sérénité qui est au sein du studio et qui se ressent sur le projet d'Hades. Quoi. Et si on en parle autant, c'est parce qu'en fait, ça permet vraiment de montrer, je trouve, un peu la voie de ce que pourrait être un peu une industrie du jeu vidéo un peu plus saine, en fait. C'est-à-dire que là, on est des gens qui sont quand même maintenant seniors. Greg Kasavin et Amir Rao, ils vont sur leur quarantaine d'années. Il y a peu de chances que s'ils avaient la même carrière, mais dans un studio AAA, ils n'aient pas été cramés depuis des années. Et là, on peut se dire, ben, ils en sont qu'à leur quatrième jeu, entre guillemets. À mon avis, Supergiant Games, ils ont encore 3-4 jeux dans les pattes facilement avant de peut-être éventuellement avoir un ralentissement. Donc je trouve que ça donne, tu sais, une espèce de vision de se dire, tiens, l'industrie du jeu vidéo, si elle fonctionnait comme ça, ben, ça marche. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer le succès, on peut avoir un vrai succès commercial sans crunch, sans truc, etc. Et ça montre que, bah oui, c'est possible en fait de faire après, autrement. Bon, voilà. Encore une fois, c'est possible voilà, parce que c'est 20 personnes. Success story et tout, faut faire attention au biais des survivants et tout. Mais encore une fois, voilà, ce qui était intéressant, c'est de dire, voilà, un jeu qui récolte des GOTY, qui se vend très très bien, parce que vraiment, on est sur plusieurs millions pour une petite équipe de 20 personnes comme ça, c'est énormissime le succès, mais en plus en ayant des conditions de production qui sont à peu près saines, ça fait plaisir de l'entendre tout simplement. Ouais, mais on rappelle quand même que la décision elle est juste partie de on veut faire une early access, donc il y avait quand même déjà une certaine maturité, en tout cas le fait qu'il y ait eu une expérience sur plusieurs jeux. Ils se sont pas dit tiens, on va faire quel jeu on aimerait faire, non, ils se sont dit tiens, quelle méthode de production est-ce qu'on veut, une early access c'est cool. Donc là aussi, on sentait quand même déjà une certaine expérience. Et donc bah voilà, on arrive un peu, bah c'est la consécration, voilà, 10 ans après. C'était un studio qui avait déjà connu des succès, mais là, Hades, on est sur... eux, ils le disaient, ils sont entrés dans une autre sphère, c'est-à-dire même quand le jeu il sortait, il y avait des critiques du New York Times, du Washington Post, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas simplement cantonnés à Polygon, etc., ils sont passés à une autre strate. Et encore une fois, d'ailleurs, il va falloir gérer ce succès. Voilà. Est-ce qu'il faut encore grossir? Comment se maintenir? Comment bien gérer la gestion? Comment gérer l'après-Hades? Et d'ailleurs, même dans la fin du No Clip, ils ne savaient pas. Quand il lui posait la question, genre qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, je vais faire une update pour Hades, on va fixer, on va réparer des bugs, des petits machins, on va continuer à bosser dessus, parce qu'ils ont continué à bosser dessus. Et on le sait, c'est un sujet qui est compliqué, parce que par exemple, du coup, là on a l'exemple de Dead Cells, où on voit que Motion Twins s'est splitté, en fait, où ils ont recréé un deuxième studio, Evil Empire, pour continuer d'updater pendant que Motion Twins. Bosser sur autre chose, sachant qu'il y a eu beaucoup de départs à l'après Dead Cell. Le succès n'est pas forcément, vous voyez, le signe d'une bonne santé non plus. C'est-à-dire que c'est aussi difficile de gérer les complications que la réussite. Donc ça va être intéressant de more voir money, justement. More problems. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Vraiment, il faudra voir en fait ce qu'ils vont pouvoir faire dans l'après Hades. Est-ce qu'ils vont faire une extension? Est-ce qu'ils vont faire, je sais pas, Hades 2, Zagreus chez les Romains, j'ai l'impression Zagreus que chez les Hindous. C'est fini quand même. Enfin, a priori, c'est stop. Ouais. Et puis même, il expliquait quand ils ont sorti la V1, ils disaient. Voilà, on va régler des choses, mais le jeu, on a fait ce qu'on avait à faire dessus, sur le contenu, on voulait pas en rajouter vraiment plus. Ils disaient, il y a toujours, même si on a fait de l'early access, il y a toujours cette philosophie de faire un jeu fini, qui soit propre. Et Hades, il était déjà super propre à la V1. Et je pense que voilà, j'ai pas l'impression qu'ils veulent. Parce que de toute façon, là, si on regarde le timing. C'est trop tard. Enfin, c'est un petit peu. Je sais pas si ça vaudrait le coup de sortir encore un DLC ou un truc comme ça. Non, et puis il y a déjà un contenu de fou. En fait, je me souviens dans un des podcasts, Amirao, il disait de toute façon, enfin, il y aura toujours des gens qu'on voudront plus. Tu vois, Witcher 3, 80 heures, c'est pas assez. Tu vois, pour certaines personnes, juste pour la quête principale et un peu plus. Donc, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais comme on le disait, c'est qu'il y a aussi une réalité économique. Ils ont déjà fait un jeu qui est hyper fourni. Si c'est juste pour les entre 5 et 10% qui platinent de fou, est-ce que ça vaut le coup de payer 19 personnes en centre de San Francisco à fond sur un jeu qui les passionne peut-être plus tant que ça? Bon, et en fait, personne leur en voudrait de passer à la suite non plus. Tu ouais, ouais, bah, je pense que de toute façon, ça doit être le cas en fait. Ils doivent être en train de bosser sur quelque chose, mais voilà, ça va être de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois qu'ils vont nous annoncer quelque chose, va y avoir beaucoup plus de projecteurs braqués sur eux, parce que bah, forcément, les gens vont se dire, c'est quoi l'après Hades? Très bien, mais écoutez, on verra ça, l'avenir nous le dira. Nous, ce qu'on sait, c'est que l'après saison 3 de Fin du Game, eh bien, c'est la saison 4. Et voilà, ça, nous, on n'arrête pas. Voilà, nous, on incroyable. Est comme ça. Le succès ne nous effraie pas. On sait gérer le succès. La rentrée scolaire update arrive. Exactement, exactement. Merci de nous avoir suivis à la fois aujourd'hui, mais à la fois tout au long de cette saison. Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous rejoindre là depuis qu'on avait lancé. C'était Nier Automata le début de cette saison. C'était Nier Automata. Ouais. Oh là là. Putain, oui, c'est fou. Mais si, c'était le fameux. Pendant deux ans, on a fait la blague de un jour, on parlera de Nier Automata. C'était ça. Putain, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Mais je me souviens, l'été dernier, je lisais le bouquin sur Taro Yoko. Bah, c'était il y a plus de 20 épisodes, en fait. Hein. C'est ça, on le dit entre nous, quand on s'est fait toute une journée de réu l'autre jour, on se rend compte que bah, voilà, tous les 15 jours, on parle d'un nouveau jeu, d'un nouveau truc, on fait beaucoup de recherches. C'est assez dense comme truc. Nous, on est contents parce que là, c'est l'épisode 61, si je dis pas de bêtises. Et là, on a déjà prévu quasiment toute notre saison 4, donc on a encore pas mal de jeux dont on voudrait parler. On avait un peu peur parce que c'est vrai que l'année 2020 a été un peu compliquée, donc il y a eu beaucoup de retard, moins de jeux qui sont sortis et tout. Là ça reprend un petit peu du poil de la bête, mais du coup on est ravis parce que vous nous avez suivis dans notre délire de parler de jeux rétro. On a réussi à parler de jeux rétro, on a réussi à parler de Metal Gear Solid, on a réussi à parler de on a réussi à faire cette histoire de Blacklist, on a fait Red Dead 2, j'ai réussi à y jouer, c'était nul mais j'y jouais. Mais du coup voilà, je veux dire, on a vraiment créé un truc avec cette émission, et voilà, ça nous fait très plaisir de continuer, de repartir vers une quatrième saison. On espère que vous serez toujours au rendez-vous. On remercie également Third Edition de toujours être là à nous soutenir. Donc les deux bouquins qui sont arrivés, je le répète, La Légende Final Fantasy XIII. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les aventures de Lightning, ses partenariats avec Louis Vuitton, vous pouvez découvrir tout ça. J'espère qu'il en parle. Et puis il y a la plongée dans le réseau Ghost in the Shell. Là aussi, si vous voulez voir une nana qui, voilà, c'est le même style de fille, un petit peu genre Kutsanagi. Comment ça s'appelle ? Kutsanagi et Lightning, c'est un peu le même genre de demoiselle. Je te laisse te débrouiller avec ça. C'est la fin de l'épisode. Tu veux de pas façon, m'aider, putain. Non, c'est pas moi le whip dans cette émission en plus. Hein. Très bien. Bon, j'aurais dû me taire. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous qui nous soutenez sur Patreon. Voilà, c'est le moment là, c'est le bon moment juste avant la rentrée pour sortir la petite carte bleue. Tac, vous allez sur Patreon, fin du game, vous trouvez tous les liens. Vous pouvez aussi évidemment nous rejoindre sur le Discord. Je le rappelle qu'on annoncera les 4 premiers jeux de la saison 4. On les annoncera. On va faire une grosse journée, ce truc-là. Ouais, on les annoncera. Un gros événement. Un tout petit peu. Alors, est-ce que ce sera le jour de la sortie du premier épisode ? Est-ce que ce sera peut-être une semaine avant ? On verra. Ouais, on va gérer. On vous chauffera comme ça. Le truc, c'est que j'ai complètement oublié. Je sais même plus comment on a annoncé Nier Automata. Est-ce qu'on n'a pas annoncé ? Parce que, quand même, le temps que d'éventuelles personnes le fassent, tu vois, est-ce qu'on l'annonce une ou deux semaines avant, on verra ce qu'on va faire. Mais si vous voulez savoir, il faut être sur le salon Discord, tout simplement. Rejoignez les déjà 5000 membres présents sur le Discord le plus classe de la francophonie. Voilà, merci beaucoup, c'est terminé, bisous, ciao.